IKEA. Alors, t'as des nouveaux cours à la rentrée? Ouais, j'ai pris option grec, option latin et option cinéma. T'en dis quoi? J'en dis que, vu l'état de ton bureau, on va aussi prendre l'option rangement. Préparer la rentrée n'est pas une option. Jusqu'au 12 août, l'étagère Kallax blanche 42 par 147 cm est à 45€ au lieu de 54,99€ avec la carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous sur IKEA.fr. Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40€ remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Floodcast! Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très, très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute façon. Mais c'est le LFF, ce mec. Oh, Perrault. Bonjour, bonsoir et bienvenue. Écoutez, je peux pas vous dire mieux, le dernier épisode de la saison. Mais non. On a sorti le Savane, on a sorti le Docteur Maboul. Vous vouliez pas ça, vous? En été, en tout cas, gros délire de l'été. Ah oui, à l'école. Moi, c'était Puissance 4. Bien sûr. Puissance 4, dernier jour d'école, on ramenait les jeux de société. Oui, c'est vrai. La nourriture. Ils font pas chier les instits quand même. Ah ça, putain, avec nos pognons en plus. Attends, oui, si je m'entends. Tu t'entends? Oui, c'est bien. Ouais, pardon, ouais. Elle va mieux, la mixette. La mixette va très bien. Elle s'est pris un peu d'eau, effectivement, la dernière fois. Mais la mixette du. J'allais dire du Lotte, mais pas du tout. Non, c'est de la Redbox. La mixette. Ah oui, je l'avais pas, elle m'a régalé. Désolé, désolé. Ça commence tout de suite avec des jeux de mots. Amixem. Je suis très heureux. Amixem pour toujours. Oh. Alors j'ai pas du tout préparé les intros. C'est les vacances. T'as pas fait de post pour qu'on nous pose des questions sur Curious Cat? Ça j'ai fait vite fait, mais en disant mais c'est chiant. Les questions, c'est la partie que j'aime le moins de tous les. Parce qu'on s'intéresse un peu moins à toi. Et parce que y a plus de. Parce que c'est une personne qui parle à la fois au lieu d'avoir un joyeux bordel. Oui, mais c'est un sacré bordel dans une boîte en plexiglas. Voter Macron. Oula. Ah oui, t'as viré. Ouais, j'avais pas. J'avais oublié. Ça fait longtemps que j'étais pas venu. Ah oui, pardon. Putain, t'es encarté maintenant. Bah écoute, ouais. Encyclopédie carrément. Ne nous écartez pas du tout. Franchement, c'est tous les gens qui ont pris leur billet qui font oh là là, le regret. Oh le regret. Ah ouais, bah. Puis référence de vieux en vrai, je pense. Oh, on a l'habitude. Ah bah, voilà. Oui, oui, c'est vrai. Chirac et Mitterrand, je te rappelle. C'est vrai. Donc voilà. Donc oui, c'est le dernier. Pardon. C'est le dernier épisode de la saison. Season final. Mais peut-être aussi de l'histoire du Floodcast. Qui sait? Non, je tease. Peut-être. Qui est l'exemple? On reviendra à la rentrée, c'est quand même prévu dans notre idée. Bah, de toute façon, il y a la tournée. Dans le pire des cas, on revient sur scène dans votre ville. Non. Sauf les gens de l'Est et Marseille. Là, les ouin-ouin là. Désolé. Vous n'êtes pas dans l'Est, mais les tourneurs vous haïssent. J'y peux rien. C'est vraiment les tourneurs les haïssent. C'est un article d'ailleurs qui est sorti sur Topito. Non, mais chie pas sur la France, s'il te plaît. Nous, on va la sillonner, nous. C'est pas 301 vues, les Parisiens. Dos au public. Comme des merdes là. Vous prenez pour qui en fait? Après, il y avait des choses sur scène en même temps. Vraiment, et on a fait qui est qui, c'était incroyable. Marie-Ange Nardi veut nous tuer déjà. Ouais. Elle est sur vos côtes, hein, je crois. Ouais, de ouf. J'ai vu. Moi, j'enrageais de ce jeu, comme Jérôme d'ailleurs. En regardant là. Ah ouais, le fait que les gens. Non, mais le fait que les gens. Bon, je critique, hein. Je me Allez, mais de toute façon, j'ai dit chier sur moi, comme je suis français. Le fait que les gens pouvaient mentir sur les. Enfin, qu'ils puissent bluffer sur les questions. Normalement, le principe, c'est tu réponds sincèrement. Tu vois, genre la meuf qui fait bluffer, du freestyle. Non mais du coup qu'il y a du hasard. Il y en a qui mentent. Bah, mais, c'est un loup-garou. C'est Among Us quoi. Mais non mais du mais bah, allez, Among Us, du coup tu dis au hasard. C'est du hasard du coup. Et tu dois lire dans les gens comme Fabien Olicard. C'est au poker. T'as déjà joué au poker? Au poker. Il déteste. C'est comme au poker. La meuf qui fait du freestyle. Dis une figure. Le jongle. Bon bah elle est jongle d'ailleurs la chanson. Elle est jongle. Donc elle était très forte cela dit. Bravo, bravo elle. Ça, c'est Adrien, un peu de négativité, hop, un petit compliment avant de partir. Parce ça que... s'appelle peut-être un pervers narcissique. Malheureusement. Il a lu The Game et il fait du neg. Ouais. Voilà. La caresse et la claque derrière. Donc c'est un épisode. La personne avec qui je suis le plus dur, c'est moi-même. Waouh. Et les caresses, je m'en fais pas beaucoup. À part sur la. Allez bon. C'est le pire épisode déjà. Pour moi, à titre personnel. Pardon. Non mais c'est les vacances. Mais je suis content, je suis là. On est entre voilà, on est entre mecs, j'ai envie de dire. Oh là là, la tartine de vie qu'on fait. Mais comme à l'accoutumée, parce que même voilà, vous le sentez, c'est le bordel. On a envie de faire des conneries. J'ai envie d'être Cali qui dit le bordel, le bordel. J'ai envie d'être Cali qui monte sur le bureau de Zemmour et qui fait alors Zemmour, tes fiches. Oh, tes fiches. Il a fait ça. Il a fait ça à l'époque. Dingue, les mecs. À l'époque. Je te dis dans le grand journal, il montait sur les tables. Une de mes, une c'est Cali pour moi. Un des meilleurs souvenirs de Zemmour, et Dieu sait que j'en ai des très bons souvenirs de Zemmour. C'est quand il dit à 50 Cent qu'il n'aime pas son album et que t'as vraiment 50 Cent qui comprend même pas pourquoi ce mec là lui donne son avis. C'est là, genre, vous êtes un français et vous me donnez, vous me dites bon, moi j'aime pas trop votre musique, je suis 50 Cent en fait, c'est un... Mais donc même si c'est le bordel, comme à l'accoutumée, on a un petit jeu, les news du podcast. Oh, incroyable, j'adore. Pangolin ou chauve-souris, on ne sait toujours pas d'où vient le coronavirus, ou un labo d'ailleurs potentiellement, qui est le coupable, qui est le coupable du coronavirus, ou Macron lui-même, les Uber Files là. Oh là là, d'ailleurs ça si t'en je peux toucher une sans bouger l'autre ou quoi. C'est non, la phrase qu'il a dit. Oui, ça lui il a dit ça, oui, il a dit ça, ça ouais. Touche une sans bouger l'autre, c'est horrible. Ah, ouais. ça me glace le sang. Oui. C'est à dire que vraiment il se fait oui bah voilà, je suis au pouvoir en fait, niquez-vous. Il a dit d'ailleurs sucez-moi. Sucez-moi tous. C'est Marseille pour toi, moi. Toi, tu me dis, c'est là, dans un Uber. Mais il sort un t-shirt rend de la galère avec écrit ça m'en touche une sans bouger l'autre dans son dos. Non, mais c'est le Guardian, hein, c'est ça qui a apparemment qui a sorti les doses. Les Uber Files. T'as envie de leur dire, peut-être juste avant les élections, ça aurait été mieux, peut-être. Un peu tard. Branle, en vrai. Comme ça, elle serait passée, Adrien, c'est ça que tu veux dire? Comment? Comme ça, elle serait passée. Oh, arrête. Donc, Pangolin ou chauve-souris, on ne sait toujours pas d'où vient le coronavirus, mais la Corée du Nord a sa petite idée. À votre avis, laquelle? Selon eux, terrain glissant. Oh, oh, alors eux, ils pensent que c'est un truc humain, créé par les humains. Non. Est-ce un animal? Non. Les joueurs de League of Legends. Des extraterrestres? Non. Exactement. Ah ouais. Ok, d'accord. Okay. Les médias d'État ont invité les historiens nord-coréens à traiter avec vigilance les objets extraterrestres venant par le vent dans les zones proches des frontières. Ces objets extraterrestres sont en réalité des ballons en provenance de Corée du Sud transportant divers contenus comme des tracts de propagande, de l'argent, des clés USB ou encore de la nourriture. Attends, en provenance de Corée du Sud? Oui, alors en fait c'est ça, ils ont dit c'est pas des trucs extraterrestres, ce sont des ballons venant de Corée du Sud qui envoient des trucs pour prévenir la Corée du Sud. On est d'accord qu'on comprend rien pour l'instant, bah, Pierre. Non mais en vrai, c'est un truc après, basique. Vous m'avez coupé au bout d'une phrase. Mais non, non, mais je veux dire, déjà le début. Depuis longtemps ça. Et le Covid serait dans les ballons en plus. Exactement. Genre il y a des gens qui sont genre ouais. Et ils envoient. C'est ce qu'ils disent. C'est ce que disent la Corée du Nord. Alors attends, la Corée du Sud, ils envoient des ballons vers la Corée du Nord de avec COVID. Des tracts dedans. Bah avec en gros avec, c'est ce que dit qui la dit, Corée bah, du Nord. Venez dans le sud. Des tracts de propagande, de l'argent, des clés USB ou encore de la nourriture. Ceux-ci sont généralement envoyés par le gouvernement sud-coréen ou des associations de défense des droits de l'homme. En donc gros, ça c'est un vrai truc. Pour aider les. Ça je connaissais pas. C'est réel hein, d'ailleurs. C'est réel, c'est réel. Je vais péter mon crâne à tout moment. Oh là là. Je suis éclaté aussi. Mais attends, mais c'est pour me tuer ou pas? Je te demande. Hein. C'est clair. Ah c'est pépite cet épisode. C'est très pépite. Oh, c'est une masterclass plus ou moins. Oh là là. Ouais. Oh les gouttes. Vous... Allez, on évacue tout, on évacue tout. Trois gouttes. Putain, mon CEO il est là. Regardez-le. Non mais oui, c'est ça existe. C'est bah c'est le marché noir finalement quelque part. Bah c'est pas du marché noir parce qu'il oui c'est des non, aides humanitaires. Pour non mais t'as aussi. Dit n'importe quoi Pierre. Oh voilà. Pardon, je suis obligé de te. Mais c'est comme les yo-yo en 11. Tu vois, c'est des yo-yo entre pays quoi. Les yo-yo en 11. Non mais je m'y connais, c'est tout. Le mec de la street. J'ai été en garde à vue. Excusez-moi, qui a été en garde à vue ici? T'as été en garde à vue? T'es allé en garde à vue? Oui. Pourquoi? À cause de tes propos sur le macaron, c'est oh, ça? Oh non. C'est qu'on avait mis une poubelle sur une Mini Cooper. Parce qu'on voulait faire une photo mini-poubelle. Denis la malice. Voilà, Denis la malice, littéralement. Et on a. Attends, mini-poubelle, quel est le jeu de mots? Non, en plus, c'est nul. Une poubelle sur une mini-poubelle. Mais c'est pas un jeu de mots. Mini-poubelle, ça veut rien dire. J'avais 17 ans, 18 ouais, ans. Non, mais bah, c'est vieux pour pas savoir que c'est un jeu de mots. Mais non, et du coup. Bien, ça fait un jeu de mots, mini-poubelle. Mais oui, mais le jeu de mots, faut que le mot existe à l'avance, quoi. Je sais pas. Et donc là. Regarde, j'ai mis dans les géraniums, j'ai mis mes chaussures, parce que fleurs, chaussures. Ouais, mais ça marche pas comme ça, les jeux de mots. Non, j'étais anti-capitaliste. Ah oui, voilà, c'était juste un mouvement. Ah oui, oui. Et du coup, les flics, la BAC de Lorient est arrivée. Oh là. Et sans se presser, d'ailleurs. BAC West. Et voilà, ils étaient tous en cannabis. Très étonnant. En cannabis? Cannabis. Ah, Cannabis. Mais oui, c'est la marque. Ouais. La marque, ouais, tout bien ça. Sûr, ouais. Je connais. Ils nous ont mis les pinces, tu vois. Et du coup, on est parti en garde à vue. Et je me rappelle. T'es resté combien de temps? Je suis resté toute la nuit. Ah, quand oh même. Là là. Ouais, ouais. Et en plus, ils nous ont mis en dégrisement alors qu'ils nous ont pas fait souffler. Donc scandaleux déjà. Waouh, bah ça tu peux les cancel. Et les ouais, bah, les flics de Lorient. Il est quand même à cab, hein, depuis ce jour-là quand même. Bah, c'est ça qui a forgé. Hein. C'est ça. Et je me rappelle, on était dans la voiture derrière et on est passé devant les pubs Mini Cooper avec le prix. Et ils nous ont dit, bah voilà, parce que vous allez devoir payer. Oh, gros coup de pression. Punchline. Punchline, je suis arrivé. Hélas, j'avais une lacrymo sur moi. Oh. Ils m'ont voulu me rajouter port d'armes. Ah ouais. Wow, mais c'est un truc de défense en fait. Bah ouais. Oui, c'est ça, parce que contre qui? Contre les flics. Oh. Voilà, mais putain. Non, parce qu'on s'était fait péta. Eh, je rigole hein, parce qu'on m'a dit deux fois tu critiques les flics. C'est vrai qu'on a dit ça de toi. Wow. Le gaucho là. Ça va là? Le gaucho de merde, gaucho je veux dire. Qui suce la France soumise. Bah oui, facho gaucho là. Eh, hey, t'es un facho gaucho toi. Attends, tu. En plus, c'est vraiment drôle, comme si je. Enfin, vraiment, je dis. Je donne pas souvent. C'est invisible. Franchement, à l'œil nu, c'est invisible. Non, non, bah, en vrai, je dis pas souvent des trucs politiques. Non, non, non. Un peu. Mais on connaît tout le monde. À moins que imiter Mitterrand soit considéré comme. Moi, j'imite Chirac. Hein, donc... Mais non, mais c'était à cause de vous. Et peut-être il y a des flics. Pardon, auditeurs du podcast. Parce que vous dites à chaque fois que je suis à cab. Bah, ouais. Bah la dernière fois, je suis passé devant des flics, ils m'ont dit salut Pierre. Avec un sourire en coin, ça m'a foutu la pression. Un sourire en coin, ça c'est toi qui fais. Ouais, ma meuf est témoin de tu ça. Tu crées ta mythologie, Pierre. Bon, on sait. Bon, j'ai jamais fait garde à vue, voilà. C'est tout, putain. Oh, ils t'ont dit bonjour, ils t'ont dit bonjour très gentiment. Là. Non, mais ça m'a traumatisé. Ah bon? Non, mais je voulais dire. Oui, ah oui, 17 ans garde à vue, bah j'imagine. La garde à vue, ouais, c'est un peu stressant et pas le droit d'appeler les gens et trucs comme ça. Moi, pas le droit, pas le droit. Non. Mais t'es mineur pourtant. Attends, non, je devais avoir pile poil 18 ans. Ah, ouais. Okay, donc allez, on gratte un petit ouais, peu. Voilà, sous l'écorce de la sève de mensonge. Ça, c'est la NUPS, hein, ça. Hein, tu mais grattes. Non, c'est réel. Parce que j'avais très peur. Mélenchon, que mes parents président, soient, Premier ministre, ça a bien marché, ça. Oh, bah, trop politique. Eh, ça va le gaucho là ouais. Non, beau, mais je critique la NUPS. C'est vrai. Non, mais maintenant, en plus, là, je me balade. Bon, je suis dans un arrondissement très, très NUPS. Bah oui. Maintenant, je vois ces putains d'affiches partout, Mélenchon Premier ministre. Et il y a un petit fait, oui, bah, on savait que ça n'allait pas marcher. Et maintenant, c'est pire de voir ces affiches. Enlevez-les. D'ailleurs, je me suis dit, d'ailleurs, il faudrait qu'il y ait des décolleurs d'affiches aussi. C'est qu'ils vrai. Enlèvent leur merde au lieu de retourner le couteau dans la plaie. Les décolleurs, ça s'appelle les gens qui votent pour Zemmour, peut-être. Parce que j'en ai vu qui décollaient des affiches, NUPS. Ah ouais ça, bien donc sûr. Toi, ça tu t'allies à ces gens-là. Waouh. Non, mais de toute façon, c'est l'intention qui importe, Pierre. C'est... De toute façon, c'est la monnaie qui dirige le monde. C'est la monnaie qui dirige la terre. Bah, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. On ne peut rien y faire, mon pauvre. Il l'avait dit il y a 30 ans, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Putain de Babylone. Eh oui, les amis. Donc. Quand tu dis il, tu parles de ton père, bien sûr. Mon père. Tu faisais partie de ce fameux. Bon, bref, je finirai jamais mon histoire, mais j'ai été traumatisé. Non, il n'y a pas de souci. Bah, elle était... Non, mais attends, vas-y, fini. Non, vas-y. Le matin. Non, mais fini. Tes parents. Florent, il avait fini, il fait sa victime. Fini, vas-y. Parle de ma myopathie à tout moment, c'est ça. Allez, voilà. Non, mais dis, le lendemain matin, ça se passe comment c'est mais non, mais surtout, faut passer la nuit. Oui, non, mais d'accord. On oui, était bah... deux sur une planche. J'avais Cosette. Oh, non. Tu l'as déjà dit. Tu l'as déjà dit. Mais non, j'ai pas dit ça. On était deux sur une planche. Et il y avait mon pote dans l'autre cellule. Dans l'autre. Il y avait Mastu, quoi, qui était là, qui avait deux feux. Bah, d'ailleurs, on l'avait vu, mais on l'avait pas regardé. Il avait pris 10 kilos de muscle. C'est ce jour-là qu'il a dit je vais opérer une transformation physique parce que plus jamais je me ferai mal. C'est pas se muscler le vrai mot, c'est une transformation physique. C'est vrai. Avant on disait se muscler, ça n'a rien à voir. Non. Et donc le lendemain matin, comment ça se passe? Tu passes une nuit horrible. Est-ce que t'as dormi déjà? T'as réussi à dormir? Ah non, même pas. Mais non, il y a des gens qui hurlaient, t'as soif. Et dans l'autre cellule, il y avait littéralement un SDF qui se vidait de son sang. Ah. Donc très angoissant pour mon pote, Baguette, je te salue, ouais. Je devais subir ça. Et voilà, Baguette. Oui, non, mais vous moquez, c'est Baguette. Non, baguette. Moi j'aime bien les surnoms comme ça. J'adore. Comme ah, Bouteille ou. Oui, bah moi il y a des. Bon, je Bouteille, c'est cool. Baguette, c'est bien, Baguette. Il y a des. Bon, je suis en train de faire des petits travaux. Bon, et un des ouvriers s'appelle Ventilo. J'adore. Et je me suis dit, bah il va. Parce qu'il pète. Il va, non. C'est un peu décent. Je me suis dit, il va braquer la banque de Las Vegas avec George Clooney. Enfin, c'est vraiment avant, il y a Ventilo. En fait, juste qu'il a tout le temps un casque sur lui. Avec deux petits ventilos à pile pour avoir. Parce qu'il refait le placo. Et donc, du coup, il a de l'air frais dans c'est le visage. C'est juste Adrien dans 10 ans. Exactement. Exactement ce que je me suis dit. Il a dit, il adore les gadgets. Pour moi, c'est bon. C'est ventilo. Voilà. Il y a toujours un petit moment quand on fait, bah voilà, lui c'est machin, lui c'est ventilo. Salut. Salut. Salut ventilo. Ouais. Bon ouais, passons à autre chose. Mais non, et moi je veux savoir le matin. Le tes matin. Tes parents viennent te chercher. Non, non, je dois me démerder. Ah putain. Et on doit rentrer. Donc, tu vis plus chez et tes repas parents, de famille. J'étais chez mes grands-parents. D'accord, ok. Ils s'inquiètent pas la nuit de ne pas te voir revenir? Non, j'étais chez mon pote Renaud. Ah oui, d'accord, oui, ok. Ah oui, voilà, mais tu avais en train de détruire. Tu avais menti à tes grands-parents, donc tu mérites tout. Donc la tôle. La tôle, et non, et après tu prends le bus. C'est et ta grand-mère qui m'adore ou pas Mémé, oui, bien sûr, Mémé Lapin. Oh, Mémé Lapin. Qui est sur Twitter, vous pouvez la retrouver sur Twitter. C'est n'hésitez vrai pas à la harceler en masse. N'hésitez pas. Attention, parce que ça va peut arriver. Non, mais c'est la bienveillance, ici, le podcast. Ici, il oui y a que des nounours. Non, mais bref, faites attention à vous quand vous jouez avec des poubelles. Voilà, pas sur des mini Cooper. Jouer, non, jouer. Détériorer la propriété ça va de quelqu'un. Mini Cooper. Ouais, c'est... bah oui. Mais c'est vrai que. Je vais aller mettre une poubelle sur ton Van Moof. Tu vas voir. Et il va faire. C'est vélo à la con, putain. Moi j'ai un vélo aussi. Bon, toi, je comprends, tu as des trucs de santé qui fait que tu as besoin d'un oui vélo électrique. Mais moi, j'essaie de foutre mon vélo des fois. Et à Paris, il y a 5 vélos par truc. Je ne me plains pas du vélo dans Paris. Nous sommes très bien traités oui par la maire de Paris. Tout va très bien. Mais c'est vrai que quand j'essaie de le mettre et qu'il y a Van Moof à côté, ah, c'est traumatisant. Alors que c'est juste de foutre oui ton putain. Il faut savoir que c'est une marque de vélo électrique et l'alarme, c'est un lion qui rugit. Rugit ou un tigre. Avec une tête de mort affichée sur l'écran. Et c'est ridicule, ah ouais quoi. Ouais. C'est juste, j'étais effleuré. J'ai pas essayé de secouer le truc, quoi. Écoute, ils sont hyper sensibles. Ouais. Que tu... ainsi que des fauves. Voilà. Ce sont des fauves hyper sensibles. Des fauves hyper sensibles, peut-être. Peut-être le tigre. Oh, fauve zèbre. Oh là là, c'est bah, beau. Ouais. Bah oui, c'est magnifique, ouais. Mais tu jongles avec les mots. Ouais, mais pour moi, c'est rien ça. Ah ouais. Non, bah, moi c'est t'as été touché, ça. Mais quand t'es né, pardon, une étoile t'a touché. Oui, oui. Ah oui, voilà. C'est le livre de la jungle ou le livre de la jungle. Oh, comme oh le avec dirait les mots. Le bon Stéphane de Groot. D'ailleurs, il y a vraiment un livre qui s'appelle Le livre de la jungle. Ah oui, c'est ah, vrai. D'ailleurs, c'est j'ai vu une story aujourd'hui. Je tairai le nom de la personne, mais quelqu'un qui est en tournage avec Stéphane de Groot. Mais what the fuck. Et il a utilisé dans la story le mot pécunier. Il faut savoir que le mot ça n'existe pas, le mot pécunier. Comment ça? Wow. Comment ça? Le débunk. Non, parce que c'est pécuniaire, A-I-R-E, l'adjectif. Il n'y a pas de pécunier, pécuniaire. En fait, c'est pécuniaire au masculin ou au féminin. Voilà, bah, je suis Bernard c'est... Pivot, mais sans le côté problématique en fin de, en fin de carrière. Mais, oh, attends, la carrière n'est pas terminée, Adrien. Je ne suis pas en fin de carrière, c'est ça que je dis. Ça nous arrivera. Ah non, mais j'y serai, bien sûr. On non, mais j'y vais. Le podcast, j'y vais tout droit, mais pour l'instant. L'épisode n'est pas encore monté. Oui, c'est ça. Pour l'instant, voilà. Oh, moi, c'est dans 2 ans, moi, que je suis Bernard Pivot. Mais là, pour l'instant, ça va. Non, mais tout ça c'est pour vrai, j'aime bien. Parce que toi, t'es très calé dans ces petits. Tu me reprends souvent parce que moi, j'ai beaucoup de fautes de grammaire et d'orthographe. Après, ça va, mon métier n'est pas d'utiliser non, bah, des non, mots. Là, pour l'instant, tu décris une merde humaine. Non, non. Donc, j'espère non, mais que ça tu vas. Permet d'en apprendre plus. Là, moi, j'adore apprendre ces petites anecdotes. Par exemple, alors, c'est très connu, hein, les gens, les auditeurs vont dire espèce de débile, mais falloir est le seul verbe qui ne se conjugue que à la troisième personne du singulier. C'est vrai ça. Tu peux pas dire je faut, tu faut, nous ah faut. Non. C'est juste il c'est faut, il faut faire quelque chose. Tu peux non, dire voilà. et si c'est le non c'est nul ce que j'allais dire. Oh là là. J'allais te dire. Il non a... mais je veux même pas la faire. Ah non mais t'es quoi je c'était, peux te sauver. C'était peut... Jimmy Fallon j'allais dire mais voilà c'était ça la punchline. La punchline c'était non mais c'était genre si c'est avec le prénom de Jimmy tu dis Jimmy Fallon. C'est nul. Mais tu mais garde tout ça. Ça c'est un message pour les jeunes. Parce que je suis grave marrant, mais voilà. Des fois, voilà. Il y a un peu de montage. Il y a un peu de montage. Non, mais là, non, voilà. Non, quoi. Non. Non, c'est que des punch. C'est que des masterclass d'habitude. Bien sûr. Là, voilà, bah, ça arrive. Putain. Même au meilleur. Blague de merde, mais. C'est... Savez-vous ce que la prochaine blague, vous allez être plié en deux. Prépare-toi. Une influenceuse a fini en fauteuil roulant par coquetterie. À votre avis, pour quelle raison? Par coquetterie. Par coquetterie. Eh oui. Elle avait un panari dégueulasse comme toi. Pardon. Wow. Quoi? Je l'ai soigné. Et tu sais que j'ai reçu un message qui m'a fait très plaisir. Quelqu'un a dit je croyais que ongle incarné et panari étaient deux choses différentes. Genre panari c'était la façon bah, c'est un, deux choses différentes. La version très grave de ongle incarné. Bah oui mais c'est assez en fait lié. Le panari c'est la conséquence de l'ongle incarné. Oui mais ce que je veux dire c'est que la personne attention met, du coup wow, ce bon, je lui dire. Mon frère s'est détesté dans ton corps en fait. Ah oui c'est vrai ouais, c'est vrai. Et ce qu'il voulait me dire cette personne via ce message c'était du coup j'ai checké mon ongle incarné qui me faisait mal et j'ai vu qu'effectivement ce n'était pas normal. Donc tu vois, parler de mon ongle incarné, après, sauver la vie de quelqu'un. En vrai, c'est juste si vous avez mal, c'est pas normal. Enfin, c'est juste. Bah ouais, mais tu sais quoi, dans mon éducation. Non mais oui, c'est on quand a. T'as mal, t'as c'est tant juste t'as mon pas. Quotidien quoi. Mais par coquetterie, genre, elle est devenue vraiment paraplégique et atteinte d'une pathologie. Non, c'est elle s'est juste... déplacée en. Comment ah non, ah oui, non, non, non, non, non, elle est devenue handicapée. Ah ouais, mais comment tu. Attends, par quoi bah, elle a mais pu se faire opérer. Pas à vie, hein. Elle remarche maintenant. Elle s'est fait opérer d'un truc qui l'a mise en fauteuil roulant. Elle s'est enlevé une beuge pour avoir une beuge non, non, stylée. Non. Bah, le side gap, du coup, elle dit bah, attends. Bah, je sais. Non, non, non, c'est quoi le side gap? Je l'ai pas. Vous savez pas ce que c'est le side gap? Qu'il y a eu un silence. Ah, si, si, bien sûr. Si, en fait, c'était la mode. Tumblr, toxique, peut-être, oui, c'est ça. Où on disait que les femmes, il fallait pas qu'elles aient les cuisses qui se touchent pour être jolies. Ah, et du coup, il fallait qu'il y ait un un écart. Et qu'en gros, il disait pour être dans les critères de beauté, il fallait pas que t'aies les cuisses qui se touchent. Voilà. D'accord. Voilà. Et bah, ok. On déconstruit aussi le monde d'influence. Non, mais attention, c'est pas Bernard Pivot, il dirait pas ça. Hein. Donc l'idée, c'est de trouver qu'est-ce qu'elle a fait pour aller en fauteuil roulant, c'est ça ? Est-ce qu'elle s'est fait opérer ? Non. Non. Ok. Elle s'est... En fait, c'est le parcours coquetterie qui me turlupine. Bruno Coquetterie, l'Olympia, bien on sûr, le fait, ouais, ouais, on ouais. fait bientôt. Bientôt. En fait, elle a fait une démarche pour... atteindre ce but-là d'être handicapé ? Non, pas du tout. Est-ce qu'elle a cassé la démarche comme Samuel Umtiti ou... Je ne sais pas. Hein. Peut-être c'est ça. L'article ne le dit pas. Je me suis cassé la démarche, je suis en fauteuil roulant. J'ai vraiment cassé ma démarche. Non, coquetterie. Bah, je ne cherchais pas au niveau des jambes. C'est-à-dire qu'elle est okay. Voilà, elle est en fauteuil. Est-ce qu'elle a subi une intervention ? Non. Elle s'est maquillée. Elle pouvait plus marcher. Comme une star de ciné, tu vois. Elle ne pouvait plus marcher. Pendant de façon temporaire. C'était douloureux de marcher. Ouais. Ok. C'est un truc sur du, genre du vernis à ongles. Non, pas le pied, pas les manucures, pas les ongles. Une pédicure. Bah, les mains, si on n'est pas sur les pieds, du coup, je ne sais pas. Oui, c'est vrai. J'ai dit que c'était pas les jambes, mais non. C'est, oui, c'est vrai. C'est inside. Voilà, je vous le dis. Elle s'est fait mettre un anneau gastrique, un truc comme ça. Non, mais on se rapproche. C'est dans ces endroits-là. Elle a avalé par les trucs pour le paix. Ça sent bon. Une épilation. On est autour du paix. Trou de balle. Oui. Épilation du trou de balle. Elle s'est bleaché le truc. Non. Bleacher le trou du cul. Bon, voilà. Ça aurait pu être le titre. Hein, Non, elle s'est pas bleaché le trou du cul. Okay. C'est un truc. Non, autour des paix. C'est assez simple. Hein, vous allez être déçus. Elle s'est chiée dessus, tout simplement. Non. Elle a fait, oh, je me suis chiée dessus, je peux plus marcher. Fauteuil roulant. Fauteuil roulant, s'il vous plaît. Let's go. La CAF. Non. Lâche. Non, elle s'est tout simplement par coquetterie. Attends, je vais vous le donner. Non, mais non, bien. Non, par coquetterie, elle s'est teint les poils de l'anus. Non. C'est les proutes. C'est avec les paix. C'est l'odeur des proutes. Bah oui, du coup, elle. C'est l'odeur des proutes en général. Elle pète plus. Et du coup, elle s'est fait une occlusion. Voilà, elle s'est retenue de péter. Ce qui lui a provoqué. Alors, occlusion, je ne sais pas, mais elle lui a fait une douleur abdominale, ce qui fait qu'elle ne pouvait plus se tenir debout. L'aérophagie. Et donc, elle est restée en fauteuil roulant le temps de. Sinon, j'imagine le médecin qui fait. Enfin, sinon, lâchez une caisse, hein, vraiment. Je veux bien vous prescrire un fauteuil, mais voilà. Essayez-vous. Ce que vous allez faire, c'est que je vais tirer votre doigt. comme le compte TikTok que je vous ai envoyé. Bah oui, le truc fake là. Qui reprend ton fart. Est-ce que c'est fake quoi, oui, ça alors, c'est tu peux raconter ce que c'est. Alors, je suis tombé. Je suis tombé dessus même avant toi parce que je suis devenu un plus gros expert que toi. Expert TikTok. Hein, putain, un spécialiste 2. Non, mais il y a un con, donc chiropracteur qui est une discipline un peu comme la kinésithérapie ou je sais pas, je qui est vraiment du charlatanisme, mais je sais pas, je ne veux pas juger. C'est attends, un peu comme l'ostéopathie, quoi. Voilà. Mais c'est pas reconnu, on va dire. Ouais. Oui, attention, attends. Je vais me faire avoir par les ostéopathes qui vont faire des trucs avec la nuque. Tout va bien. Et donc, du coup, il y a quelqu'un qui fait une prise de chiropractie à la manière du judo, ça débloque et les. Après, c'est bizarre, c'est souvent des meufs. Mais lâche des énormes non, mais c'est fake. Mais je pense que c'est fake. C'est fake à fond. Donc, allez débunker, c'est chiropractor farts. Ok, voilà. Très bien. Pas de piège. Non, Hugo Décrypte. je sais qu'Hugo Décrypte nous écoute. Jamais Hugo, ouais. Si vous pouvez regarder et nous expliquer ça tout de suite. Puis, envoie-nous une plus. Petite vidéo. Voilà, une petite vidéo en TikTok, Hugo, où tu parles de ça, ça serait pas mal. N'hésite pas à débunker. Bah, force à elle en tout cas. Bah voilà, écoute, ça a l'air d'aller mieux. Elle a rassuré ses followers. Fauteuil roulant, ça devait être. Alors qu'elle pourrait vendre ses pêches, c'est ça qui est. Bah, ouais. C'est incroyable. Le modèle économique. Mais tu sais que c'est quand même une très célèbre influenceuse. Moi je connais pas bien. Elle s'appelle VTube. Et elle a quand même. VTube. Moi, je connais VSauce, mais. Ouais. Elle a 23 millions de followers quand même. Ah ouais. Donc, 23 millions. Sacré star. Mais énorme péteuse désormais. J'espère pour elle. La prouteuse, on l'appelle. Ah ouais. Oui, c'est vrai, ils ont pas l'auteur. Ouais. Ouais. C'était la belle époque. Quand Twitter, on rigolait. À l'époque, bien. C'était plus sympa. Putain. Savez-vous ce qu'est un surmulot ? Bah, c'est un petit rongeur. Alors, oui, mais pourquoi est-ce que le surmulot a fait l'actualité ? Parce que Richard Gir, hélas, est revenu. Oh, non, disons. D'ailleurs, pour moi, c'est le meilleur nom de rongeur. Ça me fait rire. Enfin, j'allais dire. Non, surmulot. Okay. Surmulot, ça me fait rire parce que t'as l'impression que c'est comme. un surhumain, mais là c'est un surmulot quoi. Bah tu vois, ouais, franchement c'est, cet animal il est surmulot pour moi. Moi je vois un mulot sur ses petites pattes arrière, il est très musclé comme ça. T'es qui, une sorte de Thibaut bah, shape des mulots. Il a fait le goat des mulots. Le goat des mulots. Ouais. Il a fait preuve d'une force surmulot. Mulot in shape. Oh, oui. Oh le titre. Il y en a foutre de ta dépression. Bien joué ça. Des petites graines. Ah, il vient de me le dire. Il y en a rien à foutre de ma dépression, ça me rend triste, mais il l'a dit. Il l'a dit. Donc un surmulot. Bah, votre avis. Pourquoi on en a parlé dans l'actualité récemment? Bah il a causé des déboires à quelqu'un. Non, ce n'est pas ça. À l'agriculture. Non, le surmulot n'a rien fait en soi, c'est l'utilisation. L'utilisation de ce terme de surmulot que moi je ne connaissais pas, type. Est-ce que c'est cancel, faut pas dire. Non, est-ce qu'on s'est rendu compte bien Ken, vous l'avez dit plein de fois. Vous l'avez dit plein de fois. Merde. Ouais, oui. Non, est-ce que en fait on s'est rendu compte que c'était pas une espèce différente? Non. Que juste quelqu'un a vu un mulot un peu stock, il a fait attends, ça c'est un surmulot. vous me le déposez ça. C'est un surmulot, c'est pas un mulot. Alors non, ce n'est pas ça. Parce que je crois que ça bah c'est comme le triceratops. C'est qui en fait n'est pas un... Il me semble que... Je veux pas dire de conneries, mais il me semble qu'à un moment, ils se sont rendus compte que le tricératops, c'était pas une espèce de dinosaure à part entière, mais juste... Une vache. Non, mais c'était juste, je sais plus quel dinosaure... Plus adulte, parce qu'il y en a qui avaient bicorne... Il y avait un truc comme ça, ouais. je crois. Mon monde s'effondre. Ouais. C'est terrible. La Terre est plate, d'ailleurs, aussi. Je c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça qu'il fait chaud. Et Avril Lavigne a été remplacée par un sosie. Exactement, ouais, comme voilà. Paul McCartney. C'est vrai. Juin Lavigne, elle s'appelle d'ailleurs. Juin Lavigne, c'est très... Oh là là. Juin Lavigne. Ouais. Franchement, c'est les vacances bientôt. Ça peut faire après. Un peu comme Gauvin Cers. Moi, je vous le dis, je suis mort de fatigue. Ah ouais. Moi, j'ai vraiment hâte d'être en vacances. je suis dans un état. Bah, ta gamine. Voilà, ma gosse. Ouais. Le plus beau rôle de ma vie, hein, je vous rappelle. J'avoue. Non, sur mulot, on en a parlé en France et même plus précisément à Paris. Bah, sur mulot, et donc, attends, il y a eu. L'utilisation du mot sur mulot, c'est ça? Ouais. Je suis passé totalement à côté. J'ai dégueulé. Je suis passé à côté de cette traîne, en tout cas. En fait, c'est juste des rats, c'est pas des sur mulot. Alors, tu n'es pas loin. Ah, je vais vous donner la réponse ou pas? Bah, bien sûr que non. Il déteste. Non, mais en gros, c'est ça. Ce qu'on prend pour des rats dans Paris, c'est des surmulots, c'est ça? C'est ce qu'a annoncé Dushka Markovic, c'est une représentante du parti animaliste au Conseil de Paris. Lorsque les gens parlaient de la présence des rats à Paris, elle a dit ce ne sont pas des rats. Le terme rat, d'ailleurs, est rabaissant et péjoratif. Non, parler de surmulot. Voilà. Mais c'est combien beaucoup? Bah, elle fait partie. Alors l'autre, elle est. Un fait partie du parti animaliste. Mais qui est connoté, non, tu non, vois. Non. Mais c'est non, comme dire un chien, c'est connoté. Tu restes un chien. Un conseiller d'opposition s'alarme de la prolifération de rats dans les logements sociaux. On lui rétorque qu'on ne doit pas dire rat connoté négativement, mais plutôt de surmulot. Mais c'est pas que. En il tout faut cas, juste déconstruire la vision du rat. Ça confirme malheureusement le petit a priori que j'avais sur le parti animaliste. Et pourtant, Dieu sait que je défends les animaux. Mais si leur truc fait. Leur combat, c'est. C'est pas des rats, c'est des surmulots en non, fait. Après, elle n'a pas d'accord, dit que ça. Merci, c'est cool. Elle a pas dit que ça, elle a dit que justement il fallait qu'on cohabite et avec les surmulots qui seraient des auxiliaires de la maîtrise des déchets. Voilà, elle encourage même la ville à mettre en place des méthodes efficaces et non létales, mieux les connaître afin de trouver des solutions, des c'est méthodes ça, efficaces et éthiques. Ah ouais. Petits surmulots, des petits surmulots. Mais par contre, de dire c'est connoté et tout, calmos quand même. Et du coup, on va appeler le film quoi? Surmulot tatouille. Bah, je suis désolé, ça sonne très mal. Surmulot tatouille. Attends, d'ici 10-15 ans, hein, oh là, on va avec tout refaire, la culture. Oh là là, surmulot tatouille. En tout cas, invasion de rats à Paris, je préfère les nommer surmulot. Ouais, je préfère. Ouais. Comment ça, je préfère? Alors, il faut savoir que. Là, je regarde, j'ai cherché surmulot, ils disent le rat brun ou surmulot est une espèce de rat. Donc ce sont bon, des rats. Bah, donc, donc ce sont totalement Dushka, des rats. Et on va les retrouver. Voilà, donc et peut-être... on va égorger ce canard qui était sur toutes les affiches. Moi, et qui était le sosie de Brice Hortefeux d'ailleurs. Si vous retrouvez l'affiche. C'est vrai. Ce canard. C'est ça qui était horrible. Rougeurs, bon, déjà, ouais. Mettre un canard. Moi, je suis chaud pour voter pour un canard, mais pas le sosie de Brice Hortefeux. Non, mais. Vraiment ce choix, c'est ça qui m'énerve aussi, tu vois. On peut défendre les animaux sans être ridicule, quoi. Parce que déjà qu'on passe pour des cons quand on dit qu'on défend les animaux et tout. Mettez pas un canard sur l'affiche, quoi. Appelez ça le parti des coins-coins, à la limite. Voilà. Ouais, moi j'ai envie de voter pour le parti des coins-coins. Non, mais qui va voter pour un caneton? C'est ridicule là, ça suffit maintenant. Bah présenter comme ça. Comme ça, un peu. C'est un peu what the fuck, moi j'aime bien. Ouais. À Compiègne, un enfant a été interpellé par la police. Pour faire un jeu de mots, et les flics lui ont dit, mais ça n'est pas un jeu de mots, c'est pour ça qu'on te garde. Tu peux partir quand tu veux, mais admets que c'est pas j'ai un jeu de mots. J'ai été arrêté par Lucien Manet des deux. C'est la réalité. Il a dit, mais si, mini poubelle. Bah, allez, tu retournes. Alors sachez qu'à Compiègne, cet enfant interpellé par la police, il avait été adulte, il aurait pu écoper jusqu'à 10 ans de prison et une application automatique d'une peine de sûreté. Heureusement, il était mineur. À votre avis, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a féqué les vaccins. Une escroquerie, une sorte d'escroquerie ? Pas une escroquerie. Une dégradation de quelque chose ? Pas une dégradation. Un prank ? Il n'a pranké personne. C'est un peu glauque ou pas glauque ? Non, c'est pas glauque, mais c'est glauque à mort. Un truc dans un cimetière ? Non. Un rapport avec la mort? Non, c'est pas par rapport à la mort. Il n'y a pas eu d'agression physique. D'accord. Il n'y a pas eu de violence. Mais vu que c'est un enfant de 12 ans, c'est pas ouf, quoi. Voilà. Là, rien de sexuel, rien de. D'accord, voilà. J'ai préchoté. Il a vendu des NFT? Non, il n'a pas vendu des NFT. Peut-être un NFT d'immonde singe comme la PP Divic. Peut-être. C'est vrai, je sais pas. Que la PP Divic est. Là, je serais curieux de savoir combien elle coûte maintenant. 3 euros. Ah ouais. Non, il paraît que ça se casse la gueule, le NFT un peu. La merde. Et franchement, après, à l'image de ces singes. Ouais. Qui se casse la gueule? Qui sont d'ailleurs. Parce que toi, je sais que les singes, ils se rattrapent toujours aux branches. Oh là là. Même s'ils sont, nous le rappelons, d'une extrême violence. Exactement. Une extrême laideur. Ah oui, oui. C'est très violent. Oui, c'est NFT de singes qui sont d'ailleurs des. Les Bored Ape. Des Bored Ape qui sont toutes les pochettes de Chaka Ponk. Ça m'a. C'est vrai ça. Ça m'a frappé au visage. C'est vrai ça. Le singe de Chaka Ponk. Moi, je connais pas Chaka Ponk. Tu mets cover. Il faut que tu mettes Chaka cover, Chaka singe de Chaka Ponk et tu trouveras tout de suite. Tu mets Chaka Ponk singe. Oh là là. Mais c'est presque pire parce que c'est en 3D là. Oui, c'est un singe mini. Oh non. Voilà. Oui. C'est un peu une NFT. Ah, ça pourrait. Restons sur notre enfant. J'adore les gorilles, moi personnellement. Voilà. Il est allé voir un concert de Chaka Ponk. T'es fou de gorille, toi? Je suis fou de gorille. T'es gorille fan ou pas? Gorizouz. Gorizouz. T'es un peu gorizouz. J'aimerais bien peut-être me faire. Si je me faisais tatouer, peut-être un gorille. Mais pourquoi? Un dogri. J'aime bien les. Et mon iPhone s'appelle Silverback. Waouh, le mal à l'alpha, il est là. Attends, je découvre cette passion des gorilles. C'est incroyable. Non, mais je sais pas. Tu les aimes quand il y a bonne du vibe. Soleil, quand il pleut, ou plutôt quand ils sont peut-être un petit peu dans la brume. Ouais, bah, écoute, oui, elle était bien. 13 juillet. Ah ouais, 13 juillet. On est le 13 juillet. Vous vous rendez compte? On est le 13 juillet. Demain, c'est la fête Nat. Demain. Oh putain. D'ailleurs, les gens qui font des feux d'artifice 10 jours avant là. Bah je vous emmerde, vous faites peur aux chiens. Mais c'est tous les jours, même avant 10 jours, c'est pour les... Non mais c'est l'enfer là. Moi, c'est pour crier ARA quand les flics arrivent. Tu veux dire A sur mulot, tu veux dire. Oui. Oh là là, la passe D. Incroyable goût. Non mais là, la dernière fois, à 2h du mat, des feux d'artifice. T'avais des frissons mais vraiment... ou pas? Non, pas de... Tu claquais des dents potentiellement. Et t'as dû monter le son parce qu'il y avait des trucs dehors. Ça, je vois bien. Non, mais des feux d'artifice vraiment juste à côté de chez moi. Chacun fait. Fait ce qui lui plaît. Oui, mais. Il se trouve, ça fait peur à mon chien. Voilà. Bon, allez. La liberté. Il y en a vu d'autres, ce petit chien. C'est un survivant de la street. Ah oui, mais justement, PTSD quoi. Ah oui, c'est ça. Donne-lui de la weed, donne-lui du CBD du de CBD, chien. Ben, CBD de chien. CBD de chien. Envoyez-moi du CBD de chien hein, si vous y avez une marque. Il y a une marque de CBD de chien. Bon, Compiègne. Compiègne, notre petit Compiègne. Enfant. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Donc un truc glauque, mais qui est pas non plus. Non, pas. Voilà. C'est pas, juste qu'il est jeune, c'est fou. De la ça. Il non. a volé sa grand-mère. Non, il a rien volé. Il y a pas de vol, il y a pas de dégradation, il y a pas d'arnaque. Non, pensez à ce qui est. La loi dit des choses en disant ça vous avez pas le droit quoi, des choses qui sont répréhensibles. Chier quelque part. Non, il n'a chier nulle part. En rapport avec le Covid. Pas en rapport avec le Covid. Il a mis le feu à quelque chose? Non. Ah, non. Non. Ah, parce que j'aurais été foudrage si tu m'avais dit oui. Parce que j'ai dit dégradation de quelque chose, tu m'as dit non. Non, c'est pas feu, c'est... Non, mais attention. Hein. Non, mais je sais. Tu as encore le temps de faire machine arrière sur la dégradation s'il s'avère qu'il a quand même dégradé quelque chose. Non, c'est pas ça. Okay. Il a volé des fraises Tagada. Il n'a rien volé. Putain, merde. Non, il s'est baladé avec quelque chose qu'il n'est pas censé avoir. Une arme à feu. Un gun. Une arme à feu. Un katana. Pas un katana. C'est pas une arme? Non. Ah. avec des putains de feux d'artifice de connards. Je sais pas. Non, t'es bloqué là-dessus. Oh, un petit peu peut-être. Qu'est-ce qui est interdit de Frankie, elle fuit dans la cuisine, dans la salle de bain. Est-ce que c'était un nac, un nouvel animal de compagnie, à savoir un python? Un nac, c'est un vrai. Oui, les nouveaux animaux de compagnie. C'est fou. J'ai lu là-dessus parce que moi je joue. Bah c'est Marocco, je peux pas vous dire mieux. Le jeu pédantique. Il préchote toutes nos recos. Pédantique, c'est incroyable. Je joue à Pédantique et je peux le dire parce que c'est là on est dans le futur, mais le mot d'aujourd'hui c'était animal de compagnie. Et du coup, j'ai lu l'article et il parlait des nacs. Putain. Là, aujourd'hui, là tout se recoupe. On a tué le coiffeur. Non, mais il n'a pas transporté un animal. Non, mais un truc illégal. Il a transporté un truc illégal, de la weed. Putain de drogue. Oui, oh mais alors pas de la weed. De la coke, de l'héroïne. Du crack. 4,5 grammes de crack dans la poche. J'en ai plein le poing. Mais il est consommateur. Bah alors, l'histoire ne dit que non. Mais lui, il dit qu'il l'a trouvé par terre. Malheureusement, alors. La fin. Il avait une cuillère. C'est là où je dis glauque et peut-être un petit peu. Ah. C'est que potentiellement il servait de mule, cet enfant. Peut-être. Ah, de surmule ou De surmule. Il servait de surmule. Potentiellement de surmule. D'ailleurs, on a mis l'enfant sur notre tête et il nous a aidé à faire une paella. Bah oui, bien sûr. En fumant du crack. Bah, voilà, très bizarre ce film. Bah pas le meilleur. Pas le meilleur Pixar. En Nouvelle-Zélande, un burger d'un nouveau genre a été confectionné par un cuisinier. Il arrivera cet été en Belgique. Bah, un burger kangourou. Oh non, imagine. Le kiwi. Ah, attends, mais je crois que je. Je sais. Est-ce que c'est un truc vegan mais bizarre? Pas vegan, non. Okay, pas du tout vegan. Tu pensais à quoi? Parce que moi, on m'a envoyé un article et c'était. Je sais pas, j'ai pas vérifié la véracité du truc, mais que en gros, ils vont créer un steak vegan qui reproduirait. T'as plus le droit de dire ça, par contre. Ouais, bah moi je m'en fous, mon pote. Oh là là! Non, un steak donc vegan qui reproduirait le goût de la chair humaine. Là, je l'ai vu passer, je me suis dit, ça Adrien va tomber dessus, je ne vais pas le proposer. Bah bien joué, on me l'a envoyé. On commence à se connaître un peu. Et là, vraiment. Pareil que pour le parti animaliste là. C'est vraiment, s'il y a un truc dont on n'a pas besoin, c'est un truc qui fait passer les vegan pour des gens encore plus bizarres. C'est vrai. Donc arrêtez maintenant. Bah, on en a déjà parlé mille fois, parce que tu es évidemment vegan, mais il faut arrêter cette comparaison avec. Moi, c'est comme ça que le Beyond Meat m'a toujours été vendu en disant ouais, ça remplace la viande, machin. C'est juste dire c'est un autre goût qui est très bon si tu ne le compares pas à la viande. Oui, c'est ça. Je trouve que les burgers en Beyond Meat sont très bons. Mais évidemment, si tu commences à dire est-ce que ça ressemble à de la viande, non, c'est juste non, un c'est autre ça. Goût. Pour moi, l'erreur, c'est toujours de vouloir de ramener ça à manger vegan en se disant ah, moi, c'est un peu une chaîne de fast-food vegan là à Paris où qui axe sa pub sur vous allez voir, vous verrez pas la différence. Si, bien sûr qu'on fait la différence, ça n'a pas le même goût, mais c'est très bon. Mais alors juste, après, moi je me suis fait piéger. Hein, quoi ? Je te jure. Excuse-moi. Je me suis fait piéger, même le truc, il est saignant le man. Ah bon ? Mais oui, je trouve ça incroyable. Les Beyond Meat, des fois, le goût, t'as le truc saignant et ça peut rassurer les gens. En vrai, ça. Tu peux, si tu fais. En plus, dans un burger. Ça sent un peu, je trouve, quand même. Moi, j'en fous, je préfère en tout cas. Moi, je préfère le Beyond Meat. Ouais, 100%. Mais il faut que les vegans arrêtent ce truc de dire eh, vous verrez, ça a le même goût. Dites juste, c'est très bon et ça comble un manque si vous en avez un et tout ça. Mais... Moi, une fois, je suis allé dans c'était pas un resto, mais une espèce de petite brasserie à Paris. Et c'était pas un hamburger, c'était un hamburger. Et bah, ça a le même goût. Est-ce qu'il y avait les Fernandines Justement. Est-ce que le mec t'a tutoyé? T'avais envie de le tuer? J'allais y venir. Ah. C'était pas de simples frites. Ah non, c'était quoi? C'était littéralement des Fernandines. Mais non. Wow. Donc, comment je le sais? Parce que quand j'ai dit bonjour, je vais vous prendre un burger avec des frites, il m'a fait excuse-moi, on n'a pas ça ici. On a un hamburger et des Fernandines. J'ai dit, je t'emmerde. Je sais pas si j'ai déjà raconté cette anecdote à propos de cette chaîne, mais. Fernand, hein, on peut pas les nommer. Hein. Le plus gros Fernand que vous pourrez trouver. Le Gothel. Bah, parce que le moi, je vois Fernandel, c'est déjà un big Fernand quand même. Il est plus big que Fernandel. Oui, oui, c'est de la même manière que toi, t'es quand même un flow assez conséquent, mais moins gros que Big Flow. C'est vrai, on peut pas. C'est le plus gros flow que j'ai jamais vu. C'est vrai. Non mais en gros c'était il y a longtemps et je crois que ça venait d'ouvrir, je crois que maintenant ils ont un peu fait des efforts là-dessus, mais donc c'était après un tournage Golden Moustache et on se dit hey, les gars on va dîner wesh les amis. J'ai dit bah osons manger simplement. et donc ils me disent ah bah on va à Big Fernand et tout. Et je dis bah ouais je vais demander s'ils ont des trucs VG. Et à l'époque, je sais pas si c'est comme ça maintenant parce que j'ai jamais mis les pieds dans un Big Fernand, du coup il y avait un mec à l'entrée du Big Fernand dehors et qui disait salut, ça va, ouais, je suis en école de commerce et où pick-up artiste un peu et puis te tutoie. Ouais. Voilà, et je lui dis ouais bonjour, vous avez des burgers végétariens? Et le mec lui dit ouais pas de problème, bah c'est juste burger normal mais on enlève le steak quoi. Donc du pain avec de la garniture et donc la un truc vraiment vide quoi. Ouais c'est ça ouais. Bah du coup je vais aller ailleurs hein. C'est pas un burger végétarien. Bon, parenthèse fermée sur Big Fernand, mais quel est ce burger lancé en Belgique qui a été inventé en Nouvelle-Zélande? Donc c'est un hamburger avec de la viande, de la viande animale. Aïe aïe aïe. Ah là là là là là, je sature. C'est végé? C'est pas végé. Ah. C'est un animal? Je crois. Ah, c'est le moment où je suis peut-être cancel. Ah, c'est parti. C'est un oiseau? Non. C'est un fruit de mer? Oui. Bah, c'est un animal. Oui, oui, après, voilà. Ouais. Ok. Bah, un burger à la moule. Très bonne réponse. Bah, ouais, un burger à la moule. Très mon pote, bonne c'est réponse. La Belgique. Et ouais. Immonde. Bah, ouais. Tu peux nous faire finalement. Tu peux faire l'accent belge peut-être deux secondes? Alors. Oh, c'est bien. C'était pas mal en vrai. Angèle pour moi. Adrien? Balance ton corps. Ça va aussi. Petit accent belge comme ça. Ouais. Frit. Oh, frit. Oh, frit. Ça, c'était plutôt Liège que t'as fait. Ouais. Moi, je fais plus l'accent d'Ixelles. Après, excuse-moi, Liège, c'est comme sur Mulot et Rat, quoi. Liège, c'est la Belgique. Donc c'était... Ah, oui, non, mais. Ouais, non, bah, juste que toi, t'es pas tellement... de me reprendre en fait. Non, mais non, t'es tellement un connaisseur de la Belgique ah, oui, que t'arrives pointu, à vraiment sniper. Et c'est pointu, ouais. Oui, oui. Bah, c'est un sniper, on l'a toujours oui, dit. Oui, bien sûr. Nous l'avons testé en primeur. Quelle horreur. Hein? Il non, déteste la moule. À la moule, horrible. Oh, bah, les producteurs de moules le détestent. Ah, oui, non, mais très clairement. On doit. Bah oui, non, bah non, quoi. Je suis outré. Ce burger de moule pourrait bientôt se retrouver dans les assiettes des consommateurs belges au restaurant. Les Belges découvriront bientôt ce burger de moule. Oh. On vient seulement de lancer la production, cela prend du temps de le faire goûter et découvrir. De nombreuses personnes sont déjà intéressées et on veut qu'il soit proposé de la meilleure manière en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas. Mais il va arriver. Une bonne saison en vue, l'ouverture de la saison des moules semble déjà sur une bonne lancée. Personne on annonce un volume équivalent à celui de l'année dernière, soit 34 000 tonnes de moules récoltées. On est confiant, la qualité devrait également être au rendez-vous. Pour qu'elle soit excellente, il faut que la météo soit avec nous, car il s'agit d'un produit entièrement naturel pour obtenir une chair de qualité. Certes, c'est très cher pour le consommateur, mais il s'agit de prix raisonnables par rapport à la proportion. Voilà, des petits burgers à la moule. Bah, je déteste. T'es pas à fond? Non, non. Horrible. Ouais, ou moule à gaufre. Moi j'ai Belgique, ouais. Pff, j'essaie de trouver un peu de disrupter un peu la. Ouais, je vois ça. Pour mais le moment, non. J'ai l'impression qu'il n'a pas ça. Moule à gaufre, t'es le Captain Haddock. Archibald, c'est ça? Archibald. Non. De quoi? C'est le pas prénom son blaze? Ah. Archibald, je crois. Peut-être. Attends, Archibald Haddock. Griffon Tournesol et Archibald Haddock. Bonne question, ça. Je crois que c'est Archibald. Tintin. Archibald Haddock, exactement. Ah ouais, ouais. Hey, la BD, j'adore ça. La bulle là. Putain. Il est dans sa bulle d'ailleurs. Exactement, à la manière de Diams. Mélanie. Mélanie. En Mélanie Suisse, Diams. Un hôtel d'un nouveau genre a ouvert ses portes pour à votre baiser. Avis. Quel est le concept? Ce n'est pas. Ça, c'est un genre quelque chose. C'est déjà pas mal. Le Love Hotel. On l'a vu deux, trois fois. Mais même le Mama Shelter. Quoi? Très cul, Mama Shelter. Ah ouais? Pas du tout. Il y a des pornos en VOD gratuits. Oui, bah c'est plus pour se branler, ça peut-être. Bah c'est très cul. Moi j'ai juste ah dit que oui, c'était cul. Ah oui, non mais attends, en fait hôtels, la sexualité ça ouais. Fait partie de la vie, Florent. Oui, je sais, mais wow. J'ai juste dit que c'était du cul. Allez, mais, oui, t'es, mais c'est pas t'es un hôtel porno. T'es un droitard. J'ai pas dit que... T'es conservatiste. Jimmy Chirac. Ouais. Ça fait de moi un droitard, Jimmy Chirac. Tain. Non, là c'est pas le cas. C'est Suisse, c'est pas un hôtel de sexe. Okay. C'est un hôtel. Pour se droguer. J'ai pas de. Pour mourir. Non, pas. Calme-toi, après. Pour prendre une chambre pour t'euthanasier. Non, non, non. Non, mais c'est bon, c'est pas ça, Pierre. Je sais pas, mais je trouverais ça intelligent. Parce que la Suisse, c'est vrai que bah oui, c'est le pays de la mort. Oh, d'ailleurs, j'ai écouté un podcast. Nouveau truc, des recos pendant le. Attends. Non, j'ai un podcast. Je me demande d'ailleurs si quelqu'un l'avait pas recommandé dans le podcast. Oh là là. Et je l'ai écouté seulement là, il y a quelques jours. Un podcast qui s'appelle Passage. Mmh. Alors, il y a des épisodes que j'ai haï. D'accord. Okay. Non, mais c'est des trucs un peu de. C'est trop. Non, mais haï, c'est. Mais oui. C'est comme transfert, en fait. C'est un peu oui. Genre transfert. Ouais. Moi transfert voilà les Parisiens qui disent ouais bah en fait ma vie est un peu compliquée, ça me fatigue au bout d'un bien moment bien sûr, mais là il y a mais bon voilà c'est un peu la roulette russe et là c'était un témoignage d'un mari, enfin d'un homme dont la femme a justement pratiqué l'euthanasie et donc ça raconte bien sûr je connais l'histoire. L'euthanasie je connais bien sûr, l'euthanasie et bah c'était bouleversant voilà c'était horrible oui. Et donc c'est cool enfin c'est important à écouter enfin important pas du tout important je déteste les gens quand ils disent ça c'est important ta gueule mais c'était assez bouleversant et un très bon épisode. Il y a d'autres épisodes j'ai arrêté en cours de route parce que oui d'accord. Ouais. Tu es polyamoureux, super. Ah, ça change. C'est fou. Mais non, c'était voilà. Donc on peut. Voilà. Le, non, mais je rebondis sur c'est l'euthanasie. Bien, là, on fait des recos en cours de. Putain, des articles un peu excitants. Là, c'est vivant. Là, c'est vivant. On disrupte, voilà. Exactement, Pierre. Donc ce n'est pas ça, hein, ce n'est pas ça. Il n'y a pas de rapport avec la mort. Est-ce que pour ce pays, ils ont du chocolat. Et je te répare ta montre. Bah, il y a des coucous partout, quoi. Mais vous êtes les frères suisses. Les frères suisses. Les frères suisses. Ça va, les frères suisses. Comment vous allez, les frères suisses? On est grands maintenant, mais avant on était des petits suisses. J'attends à ce que tu finisses mon phrase. Ouais, je sens que mais là, on était des petits roliens. Vous êtes, on peut vous retrouver à Avignon. On peut vous retrouver à Montreux. On peut vous retrouver à Avignon cet été, je crois. Dans vous avez un petit lac. Ok. Je sais pas où on va. On a beaucoup d'argent. Oh là, bah allez. Ok. Très cher la vie en Suisse. Ouais. Oh là. C'est vrai, ouais. On est allé à Vevey avec Adrien. Ah bah. Déjà bah, les magasins ferment à 17h déjà. Aucun sens. Et non, après plus de temps libre pour les commerçants, tant mieux pour eux. Attends. La belle vie qui mène. La belle vie. Qu'on est bien. Bon, est-ce qu'on peut faire avec la chanson La belle vie est en fait, comme beaucoup de chansons françaises, assez ironique. Ah, si en fait, ses ah ouais. paroles, en fait, c'est que justement sa vie est pas ouf. C'est un gars qui dit en fait ma vie elle est pas ouf, mais je fais comme je peux pour relativiser, quoi. Ouais, je connais. Je me reconnais là-dedans. Donc c'est pas ça, hein, c'est pas ça, c'est pas un truc de la mort. Ça reste en Suisse, mais... Ça n'a rien à voir avec... ça pourrait être ailleurs qu'en Suisse, ou alors il y a quand même une petite particularité élevette. Ça pourrait être ailleurs qu'en Suisse. J'ai chaud. Est-ce que ça... Oh, j'ai chaud. J'ai très chaud. Est-ce que c'est des trucs... Il y a des chambres à thème? Genre c'est la chambre Star Wars, mon pote. C'est pas le truc. Il y a des sabres laser dedans. C'est pas le truc où t'es en plein air au milieu de la montagne. Vous avez tous les deux tort. Ah, c'était Ragnarok. C'est Marvel. Thor. Ah oui, ah ouais, putain, vous êtes plus rapide que bien joué. Taika Waititi est trop intelligent. Oh, il est trop fort, il est drôle. Il parodie. Oh. Moi, je préférais quand Marvel était quand même plus sérieux. Prenez un petit peu sérieux de héros. C'est les woke. Ok. J'ai un t-shirt Rick and Morty. Eh oui. Je suis un cornichon. C'était un peu Mitterrand. Moi j'aime bien. Je suis un cornichon. Rick. Morty. Sur mes chiottes. Sur mes chiottes. Je sais pas, dans Rick et Morty il y a des chiottes. Tu suis pas en fait. Mais non, mais c'est large. C'est large. Il s'est fait des chiottes sur une planète. Il y a 2-3 autres dessins animés quand même où il y a des chiottes. C'est la dernière saison ou pas? Parce que j'ai pas regardé. Avant dernière, je me suis arrêté là. Parce que ça m'a saoulé. Je suis pas assez intelligent, malheureusement. Bah, c'est ça. Alors, moi, c'est ce que j'aime dans Rick et Morty, c'est que c'est drôle, mais qu'en plus, c'est intelligent. Bah ouais, c'est ça. Et moins les gens comprennent, plus j'aime. C'est ça. Souvent. Ça parle de la dépression. Bah oui, c'est ça. Et ça, personne le fait. Une chambre pour est-ce que c'est pour la Fortnite. Pensez hôtel, il y a un hôtel, c'est quoi? Non mais est-ce que c'est le lieu qui est... Ah oui, c'est le un lieu. Un hôtel Formule 1, mais on fait Attends. Littéralement de la Formule 1. Non mais c'est le lieu qui a une particularité. Oui. Je suis pas sûr qu'on si, qu'on c'est se comprenne. Genre c'est en haut d'une montagne. Non, c'est l'hôtel est un espèce de concept. Ah d'accord, ouais. c'est pas l'endroit où se situe non, l'hôtel. Non, voilà, okay, c'est pour non, ça que non, je non. me disais que c'était pas dans bien. Dans un igloo. Non, c'est pas ça justement. Okay. Donc il y a un concept, c'est genre c'est l'enfer. Bah tu t'approches en wow. vrai. Le paradis. Non, il fait très et qu'est-ce chaud. Que j'irai faire d'ailleurs au paradis? C'est pour ça qu'ils l'ont pas fait. Les gens ont dit Il fait très chaud. Non. C'est non. Non. Non mais ça reproduit un lieu fictif. Je vais vous donner un indice. Un indice. Mais réponds à ma question d'abord. Non, c'est pas un endroit fictif. Une petite indice qui va vous orienter parce que vous allez chercher la pire idée. C'est un hôtel concept créé par deux artistes contemporains. Oh là là. Est-ce que... Alors attends. Il est vide. Alors. Il y a rien dedans. Oh non, alors. Il y a pas de mur entre les chambres. Alors. Oh là là. C'est Squid Game. Je vais devoir. C'est plus ou moins Squid Game. Oui oui. Je vais vous donner la réponse, mais on n'est pas exactement. Non mais pas non, loin. On va mais trouver. Là vous y êtes. Vous mais avez on va trouver. Non, mais c'est une partie de la réponse. Ok. C'est un hôtel où avec il n'y a une seule pièce. Ni mur ni plafond au milieu de nulle part. Oh bon allez. Ça s'appelle une rue. C'est ce qu'ils ont appelé un hôtel zéro étoile. Anti-idyllique pour réfléchir aux crises mondiales. Ouais. C'est vraiment un truc de privilégié. Si seulement de merde. Il y avait des murs, je pourrais aller y mettre le feu à cet hôtel. Oh, c'est clair. Oh là là, trop de balles. Surtout qu'en plus, moi, ce qui m'énerve un peu, c'est qu'ils disent un hôtel zéro étoile, sauf que moi, j'ai fait des hôtels deux étoiles où ce qu'il propose est vraiment mieux. Un lit à la Belle Étoile, beaucoup mieux que des endroits où je suis allé. D'ailleurs, tu m'offres une transition. Oh. Attends, est-ce que j'en ai pas déjà parlé? Mais on s'en fout. Non, non, mais en fait, ah oui, on en avait parlé, je crois. Regale que les critères pour les étoiles en hôtellerie, c'est beaucoup plus nul que ce qu'on pense, quoi. C'est-à-dire que, genre, un hôtel 3 étoiles, tu te dis, oh, c'est déjà pas mal. Et en fait, je crois que c'est juste avoir des chiottes dans la chambre, quoi. Un des critères, tu vois. Donc, en fait, 3 étoiles, ça peut être un taudis. Non, mais oui, c'est ça, oui. C'est ça. Une télé avec télécommande. Enfin, tu vois. Donc, c'est pour faire le buzz pour moi. C'est vrai. Oui. Mais c'est vrai que c'est pour faire le buzz. Bon, ça a marché, on en parle. Super, on s'est fait avoir. Aïe. J'ai une question histoire pour vous. Oh, j'adore. J'ouvre un petit peu parce que je me dis, voilà, cette année de Floodcast, peut-être on peut sortir un peu du pipi de l'actualité. Comme si on était les Stéphane Bern du Floodcast. Un petit peu, on peut sortir un peu de l'actualité pour toucher un peu à l'histoire de France, tout simplement. Tout excellent. Savez-vous qui est Johan? Attendez, je Gourcuff, un footballeur, vraiment. Ouais, bien joué. Ah, ok, bon, apparemment, on n'ira pas par là avec le Floodcast. Vous n'avez pas cette évolution. Savez-vous qui est Johan Cohenberger? Il vient de l'Est, déjà. Plutôt. Johan comment? Cohenberger. Le Cohenberger, c'est Quick qui a fait un burger du flambeau. Le Cohenberger. Non, le Cohenberger. Le Cohenberger. Cohenberger. Non, mais là son nom c'est Koe Burger, terminé pour moi. Sébastien Koe Burger. Qui est Sébastien Koe Burger? On a fait un morphing de... Johan, non mais c'est, je ne parle pas bien. Il s'appelle Koe Burger, c'est désolé. Bah, c'est Q-U-E-H-B-E-R-G-E-R. C'est Koe Burger. En l'an 1600. Ouais, c'est drôle. Bah, il a créé le Koe Burger. Alors, non, vous allez voir, la réponse est assez éloignée. Est-ce qu'il a tué quelqu'un? Non. Est-ce qu'il... Il est mort d'une façon rigolote. T'as eu un regard genre haut, dis donc, si non, tu te rapproches. Il n'a tué personne. Il a essayé de tuer quelqu'un? Il s'est tué. Non. Il a peut-être fait l'inverse de tuer quelqu'un. Il a donné. C'est le père de quelqu'un? Non. Il a donné naissance? Non, il a donné naissance à personne. L'inverse de mourir. Il a sauvé la vie de quelqu'un. Voilà. Hitler. Alors attends. Waouh. On a trouvé extrêmement vite. C'est très rapide, je suis dégoûté. Très bonne réponse de Pierre Lapin. C'est peut-être l'acte de miséricorde le plus dévastateur de l'histoire. À la boulette. Un article de janvier 1994 qui refait surface grâce à des historiens allemands. Le journal relate un fait divers. Un jeune garçon est tombé dans les eaux glacées de la rivière Inn et un camarade déterminé a plongé pour le sauver. Le courageux sauveteur, qui avait alors à peu près le même âge qu'Hitler, s'appelait Johann Cohenberger. Sébastien Koe. Ça dit, oui. C'est sa deuxième pire chose après le Koe Burger, malheureusement. Pour moi, Koe a sauvé Hitler. C'est ce que je retiens de cette histoire. Oui. Ça s'appelait Johann Koe Burger et est par la suite devenu prêtre. C'est son successeur, le père Tremel, qui a raconté l'anecdote en 1980. L'article en question ne donne pas le nom de l'enfant sauvé des eaux, mais les historiens s'accordent pour dire qu'il est très probable qu'il s'agisse d'Hitler. Hitler, plus tard, racontait à ses généraux qu'il jouait souvent aux Indiens et aux cow-boys sur les rives de la Inn, mais n'a jamais parlé de l'épisode de la quasi-noyade. J'imagine le mec qui raconte l'anecdote. Non, mais tu sais qu'un jour, il y a un gars qui se sauvait, qui se noyait, et je l'ai sauvé, quoi. Voilà. Le mec, mais t'as des nouvelles du gars? Qu'est-ce qui est devenu? Non, mais ça t'inquiète, on s'en fout. Il a fait une carrière de ouf. Ouais. Mais après, de là à vous dire. Je peux juste te dire qu'il est célèbre, mais après, je préfère pas en dire plus. Non, mais raconte, Disney. Mec, raconte, ouais, mec. Non, mais ça, on s'en fout de ce qu'il est devenu. C'est plutôt là qui est important. Ne trouves-tu pas? Non, moi, je trouve que c'est important de savoir. Parce que je suis prêtre maintenant, quand même, je le dis. Voilà, faut c'est faire l'homme, un c'est film en fait. Voilà. Bah après, ouais, il a sauvé un gosse, quoi. Mais aïe. Putain, c'est horrible, n'empêche. T'imagines? Tu dis, je mets ma propre vie en danger pour sauver quelqu'un. T'es ultra fier de toi. Tu dis, putain, je crois que j'ai fait une superbe action. Le mec devient littéralement Hitler. Hitler le Führer. C'est fou, hein. Ou maintenant, à chaque passage piéton, tu peux te poser la question que ce gamin-là, si ça se trouve. Moi, j'ai arrêté de tuer des gosses. Hein. Moi, je sauve plus aucun gosse. Et dans je le doute direct. Ouais, il a tué des gosses. Moi, je tue des gosses. Je tue des gosses. Un gosse qui a des propos un peu chelous, il fait aller. Hop là. Bam. Poignard directement. Dans la gorge. Hop là. Elle est où ta fille? À la crèche. Bah, tant mieux. On va passer aux questions des auditeurs, mais c'est vrai qu'on parle souvent quand même de réadapter le Floodcast avec le temps. Il faut savoir qu'avec Adrien, il y a un petit débat qui nous anime un petit peu. C'est sur le moment des questions, pour vous expliquer un peu les débat, insights. Débat, c'est un grand mot. C'est un bien grand mot. Mais en vrai, le côté Curious Cat qu'on fait que sur Twitter, moi je l'aime bien parce que je trouve que c'est un lien direct entre les auditeurs et les invités qui peuvent poser des questions très directes. L'effet qui se coule de ça, qui casse un peu le rythme, c'est que du coup parfois on a un peu des tunnels prom-dog de réponses où les autres ne peuvent pas vraiment participer. Donc on cherche un petit peu en ce moment, qu'est-ce qui pourrait relancer un peu la machine. Est-ce que c'est un répondeur. Peut-être si on, on prévoit aussi les invités en avance, tu vois. Est-ce qu'il y a peut-être aussi un truc qui permettrait aux gens de raconter des histoires sur le répondeur en rapport avec les invités. Le fait est aussi que cette année, on a pris le rythme hebdo et que les questions, ça me permet aussi d'avoir un peu le public qui m'aide à préparer l'émission. Alors qu'avant, on avait souvent un deuxième jeu. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs dans le podcast avec Pierre Ninet, c'est qu'on fait les news et après, on a fait le imite ta réponse. Yep. Et c'est vrai que moi, cette année, j'ai pas eu le temps de me poser. On avait fait le jeu du... Il y avait Damien 16, il y avait les chansons porno... Edith de Préto aussi. Edith de Préto, les chansons... j'ai pas y arrivé, pas y arrivé. Payard, Triste. Enfin, on avait fait plein de jeux différents. L'hélicoptère et Balavoine, bref. Hélicoptère, TikTok, mon pote. Je connaissais avant. Bah, t'es spécialiste. Désolé. T'es spécialiste. Je suis spécialiste. C'est selon BFM et CNews. Bah, donc ça. Donc c'est important. Ouais, tu sais que l'éventail. Ça... Ouais. Non, mais t'as raison, Florent. Et donc, en fait, c'est ça. C'est du coup, là, moi, j'ai plus trop le temps de réfléchir à des jeux et des machins. Donc peut-être si on réduisait. Peut-être... Donc moi, je suis curieux de savoir ce qu'en pensent les gens. Est-ce que c'est un moment un peu lent? Est-ce que c'est le moment de l'été? C'est le moment des bilans, de faire le bilan calmement, d'ailleurs. En se remémorant chaque instant. En se remémorant chaque instant. Mais là, c'est vrai qu'Adrien, c'est toi qui sentais ce côté un petit peu ventre mou. Moi, je en fait, moi, c'est le, mais après, c'est moi personnellement, oui, aussi. Mais c'est juste aussi que c'est le moment où moi je m'ennuie un peu souvent dans le moment des questions, parce que c'est évidemment quand on passe d'un truc où on est en train de dire des conneries blablabla, et après bam, question, et c'est un peu des gens qui répondent et qui partent dans des monologues, mais parce que c'est bah, les questions induisent ça, ouais, c'est un truc. Mais après, et alors c'est peut-être moi qui suis un peu qui interprète, mais j'ai l'impression que du coup, quand les gens font des réponses un peu étayées, machin, qui durent un peu longtemps, la personne d'après qui a une question se dit, bah attends, je me suis tapé la réponse de l'autre, donc moi je vais prendre aussi le temps de bien répondre à mon truc. Et du coup, je trouve qu'il y a un côté moins dynamique, c'est moins vivant à ce truc-là. Je dis pas que c'est bien. Pas intéressant, ouais, et moi, le côté prom dug, justement, je trouve que c'est. C'est d'ailleurs un peu ce qui, moi, me manque, parce que à l'époque du floodcast où il y avait les thèmes, à la fois je disais des conneries, mais il y avait des moments où je pouvais aussi parler prom dog. Là, j'en ai un peu moins l'occasion, parce que souvent, bah, les questions sérieuses sont plus évidemment pour les invités. Donc du coup, ça me va très bien de faire des blagues, hein. Mais du coup, il y a peut-être un ajustement à faire. Et c'est pour ça que peut-être c'est ce qu'a été l'épisode Radio Libre, qui était assez marrant à faire, où cool. Les gens racontaient des soucis et des trucs. Peut-être que notre version, ce serait des gens qui nous parlent de problèmes qu'ils ont. Alors, dans un sens très large, c'est ça que j'aimais bien dans l'épisode Radio Libre. C'était autant. Glauque, Non, parce que sinon, on va être tout le temps sur les mêmes thèmes de dépression, de problèmes de couple, d'amitié, de machin, d'anxiété. Et puis des trucs sur lesquels on n'est pas forcément qualifié pour répondre, quoi. Non, mais après, autant que les gens se sentent libres de parler ce qu'ils veulent, mais sachez qu'il y aura un tri, quoi. Oui. Et c'est ça que j'avais aimé dans l'épisode Radio Libre, c'est qu'il y avait autant une meuf qui nous parlait de ses problèmes de fouine dans le toit, qu'un gars qui parlait des idées entre deux meufs, etc. etc. Mais tu vois, genre, moi je trouve que ça, c'est un peu le mix entre les questions et le jeu des news. C'est un peu genre des gens qui viennent raconter des trucs, mais en même temps c'est un peu des trucs insolites qui se sont passés et tout. Oh, c'est un peu le gamin des deux parties du floodcast, quoi. C'est ça. Et du coup il y aura... Et c'est ce que je disais en plus hors antenne, pardon, c'est que moi les questions que je me pose sur, parce que vraiment moi des fois ça m'intéresse quand on reçoit Big Foy Oli, comment ils ont fait telle chanson, etc., etc., libre à moi de le foutre entre deux news du floodcast, tu vois, en mode moi, c'est ça de distiller à travers tout le floodcast, c'est ça, moi question, je me censure jamais news. Exactement, tu vois, comme exactement ça. Donc voilà, peut-être une évolution un peu comme ça, parce que de toute façon on va pas faire ce segment là dans les lives, tu vois, on va pas répondre à des questions c'est pendant les lives, donc voilà, on va voir, on tâtonne un peu autour de ça, on se dit peut-être que ça moyen aussi, oui, effectivement, de disperser les questions un peu dans le floodcast au lieu de faire un tunnel et peut-être aussi, encore une fois, prendre un petit, là les vacances vont faire du bien, mais calmer peut-être aussi parfois plus tendu, prendre un peu plus des pauses de temps en temps aussi pour réfléchir à des, moi j'aimais bien quand on faisait des jeux de deuxième partie, et c'est vrai que incroyable. Ça me manque de plus avoir le temps de faire ça. Meilleurs. Après l'option, ça peut être de dire que je prépare un jeu à chaque épisode. Ouais, mais pourquoi pas, mais j'aime bien aussi créer des jeux, enfin tu vois, ça aussi, oui, bien côté, sûr, on a envie, oui, on a envie de tout faire, t'as les news, le truc, évidemment. Oui, mais c'est pas ma partie, enfin tu vois, je préfère créer des jeux rigolos, donc j'ai quand même quelques questions là pour l'occasion, parce qu'en plus c'est un peu merde c'est le faire jeu Adrien, c'est le bilan du floodcast. Alors quelqu'un demande, c'est très précis, mais est-ce qu'il y aura du merch pendant les dates de la tournée? Alors, quelqu'un le demande ou tu as inventé cette question? Faut savoir que c'est un truc que j'ai fait plusieurs fois dans l'année. Je peux le dire aux gens, parfois, il n'y a pas de questions intéressantes. J'inventais des questions en disant que c'était le public qui l'avait posé. Là, voilà. Maintenant, tous les invités, ils ne réécouteront pas celui-là. Ils vont être parano. Il y a Pierre et tout YouTube le déteste. Donc voilà. C'est vrai. c'est vrai. Non mais bon, donc je peux le dire. On peut le dire. Oh le leak. Je vais leaker là, hein, attention. Leaker fort. C'est les Floodcast files. Non, c'est ça. Papers. Floodcast. Ah, j'ai raté. Ouais, mais encore nous. Hein, ouais. Mais perso, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Oh oui. Ouais. Ah non, oui, c'est pour ça que j'ai. Oh, j'avais pas raté finalement. C'est fou. Donc, il va y avoir du merch exclusif. C'est ça. Que sur la tournée. C'est-à-dire que le merch qu'on aura, il y aura la. Je crois que la. Non, il n'y aura même pas la casquette. Je crois qu'il n'y aura aucun. Il n'y a pas de truc. Du merch qu'on a déjà vendu. Ouais. Ne sera pas vendu sur la tournée. Ouais. Il n'y aura que du merch exclusif. Exclusif. Avec un nouveau design propre. Voilà. Propre à la tournée. À la tournée. Voilà. Non, mais on peut tout dire. Et, non, en vrai, moi, je suis grave content. J'ai envoyé aujourd'hui là, les fichiers. Trop bien. On a trop hâte. Pour le truc. On a des. Oh, on te montrera Pierre. On va te montrer. Mais c'est que IRL qu'on peut les avoir. Comment ? C'est que IRL. Exactement. A priori, oui. Bah en tout cas, une certaine partie du merch, oui. Oui. Peut-être des trucs qu'on trouvera, mais. Il y en a qui sont vraiment propres à la tournée. Exactement. Qui n'auraient pas trop d'intérêt à être vendus hors tournée. Exactement. Il y en a, on va peut-être faire un. Hey, frère, c'est un délire. Aga là, ou Aga. Voilà, c'était mon imitation de. De Jonathan Cohen. Ouais. Oh la vache, c'est une catastrophe. Bah merci. Ça me touche. Ça me bouge toutes les boules. Voilà. Vraiment. Pensez-vous faire un best-of de la saison pour la route des vacances? Pas du tout de question pour moi en fait. Je suis un passe-plein. Hein. Ouais, bah ça c'est moi dans tous les floodcasts, ok? Chaque semaine. Pas tellement, non. Je suis sûr. C'est fou, c'est une impression que tu as. Ta gueule. Pensez-vous faire un best-of de la saison pour la route des vacances? Et bah, moi je pense que oui. Trop bien. De la saison, dernière saison. On en avait parlé. Ouais, je pense que je vais le balancer en août. Début août ou je sais pas quand, mais voilà. Un régal vu que je vais prendre la route en août. Au moment du chassé croisé. Des Haussiens. S'il sort pour le 1er août, je suis ravi. Team Haussien ou Team Juétiste? Bah moi je suis plus Haussien. Okay. Bah là moi je suis pur Haussien là. Haussien. Laurent de Haussien. Moi pur Haussien, je parle a priori le 1er août, je prends Jeannot et je pars sur la route de France. Ah, comment? À la frame, comme ils disent dans le jeu vidéo. Ah, je connais pas. Mais c'est pour me tuer ou pas? Je dois savoir. Ok. Tant que c'est pour me tuer, c'est bon pour moi. Et donc oui, je pense que je vais faire un best-of de la saison parce que une belle saison, on peut le dire. Ah bah très fourni. On est fatigué. Tu sais quoi? Je sais que tu vas être d'accord avec moi, donc je sais même pas si je le dis. Mais ça va nous faire du bien. Oh là. Parce que là, on est crevé, on se dit oh là là. On est un peu, on accuse le coup, mais de réentendre là un petit best-of avec toutes les petites pépites, toutes les masterclass qu'on a fait, ça va nous rappeler pourquoi on fait ça et que c'était pas en vain, que cette fatigue. Elle est en vain. Bon allez. Ah, ça va faire du bien parce que là, la fatigue prévaut et à la manière d'Aurélien. Ou Soren. Oui. Mais du coup, il y a un nouveau Pierre, je vais devoir me battre avec le Pierre du Floodcast, le nouveau là. Tu parles de Ninet ? De Ninet ? Ouais. Les deux peuvent cohabiter. Là, je suis pas sûr. Les deux peuvent cohabiter. Mais si, arrête. Beaucoup plus beau. Vous êtes pas dans la même catégorie. Ah oui, il est beaucoup plus beau. Enfin, ouais. Mais après, t'es beau, t'es très beau aussi. T'as un style un peu différent. J'ai un petit flow quoi. T'as vu mon drip? T'as un petit flow qui est évidemment beaucoup plus petit que Big Flow qui lui. L'exact opposé. Oui, c'est l'inverse. C'est ça. C'est ton. J'ai pensé d'ailleurs. T'es même mon drip. Au Hellfest, est-ce que des gens t'ont parlé de ton totem de merde? Alors, peu. Pas du tout, puisque les gens s'en branlent. Ah non, mais alors, bien souvent. Calme-toi par contre. Quand j'ai dit les gens que tu venais, la plupart des gens viennent sur le totem de merde. Non, mais après, j'ai fait un petit périple pour essayer de retrouver la colline. Ah, elle n'avait pas Dieu. Pour poser une rose. Ça veut dire heureusement qu'elle n'avait pas Dieu, vu qu'elle t'aurait vu avoir un totem de merde dans le trou de balle. Elle avait vu ton trou du cul s'écarter pour. Voilà. Mais du merch Floodcast au Hellfest, t'en as vu ou pas? Alors. Quoi? J'en ai vu un au Red Hot, moi. J'ai croisé au Red Hot. Ah oui, bien sûr. J'en ai vu deux et j'ai bien fait exprès de pas les croiser. Je décore. T'as insulté le mec au live de 308, t'as dit ta casquette de merde, tu lui as dit. Ça, je peux me permettre. Vous êtes venu dans l'émission, vous avez chié. C'est la moindre des choses. Littéralement toute l'émission sur l'émission. Adrien, c'est vrai. On n'a pas chié sur l'émission. Si, rigoles. J'ai dit que le jeu était génial et tout sur les vignettes et tout. Non, quand vous êtes passé à 300 000 vues. Oui. Ah oui. Non mais Bon, bref. On n'a pas chié sur l'émission du tout. Je me formalise pas. Je rigole. Donc je me suis permis cette petite boutade. Moi, elle m'a plu. Elle m'a plu. Elle m'a touché en plein cœur. En vrai, depuis le club YouTube, c'était un peu le running gag de chier dessus. C'est vrai. Moi, donc, j'adore. Je garde. Je me suis permis. Excusez-moi. Non, mais t'as eu raison. Gros respect au Foot Castaldos. Bien sûr. Même si. Qui t'adore. De plus en plus, vous devenez les nouveaux fans de Kaamelott. Mais on peut pas dire non. Donc évitez les câlins, s'il vous plaît. Mais beaucoup de The Event. Beaucoup de The Event ou Hellfest. C'était pas la question. Enfin, Je dis ce que j'ai vu en tant que merch ou quoi que ce soit. Oui, mais c'était pas. Je t'ai pas demandé quelle merch t'as vu. Ça m'intéresse pas les The Event. Alors j'ai vu Airborne, Slayer. Ton interview préférée d'ailleurs pendant l'émission. Parce qu'il faut le rappeler aux gens, tu as fait l'émission. Tu as fait une émission au Hellfest, sur le Twitch du Hellfest. Avec d'ailleurs, qu'on a reçu cette année, Julien Méniel, entre autres, Gaël Mektoub aussi, Trinity. Trinity, voilà. Draconi. Draconi, exactement. Bien sûr. L'expérience déjà. L'expérience fatigante. Fatigante, j'imagine. Tout de suite le négatif, putain. Mais non, mais je veux dire, c'était beau. Donc j'ai pas été vraiment polé là-dessus. Et du coup, j'ai vraiment charbonné. J'avais fait Laserdisc avec Arte. Donc on a fait un peu de la déambulation tout le fest. Et ça, c'était coolos. C'est un projet que j'avais depuis longtemps. D'être un peu le festivalier zéro et d'emporter Twitch dans ma poche, quoi. après on était dans un Algeco, il faisait 46 degrés, c'était agréable, mais j'étais vraiment. Enfin, je vibais en fait. Je vibais. Et puis alors, vous nous avez conseillé de nous hydrater, je crois aussi. Ah oui, c'est important. Mais les gens oublient. Non, La bière. Ah oui, c'est à cause de la bière, vous disiez Ils sont très contents de faire 1 800 000 pintes. C'est pas très sain. Oui, d'accord, j'avais pas compris. Parce que pareil, au Popcorn Festival, c'était hydratez-vous. J'étais genre, bon, les gens savent boire. Il y a eu 800 malaises. Les gens savent boire de l'eau, bon sang. Au Hellfest, 800 malaises. 800 malaises sur le premier week-end. Peut-être l'odeur de la bite des gens aussi qui a dû jouer. C'est vrai que j'imagine. Ça joue de ouf. Aussi. Bien 200 malaises sont liés à ça. Oui, sur les 800. Et vous savez que j'ai vu des gens qui avaient des pancartes Free Hug. Encore en 2022, et je trouve ça beau. Bah oui. Enfin, c'est un peu une espèce d'archéologie. Mais est-ce qu'ils ont vraiment des hugs quand tu fais ça? Je pense plus. Je pense que c'est fini. J'en ai vu. Mais très peu. Non, mais c'était drôle et du coup, j'étais pas du tout. Est-ce que du coup, tu y allais et ils te donnaient des bottes fourrées gratuites? Bien sûr. Ah, il était très très chaud. Bah oui. Free Huggy, les beaux tuyaux. Je me suis dit, mais il va pas aller là-bas. Si, bien sûr. Non, mais là, c'est mon pire floodcast. Le but, c'est que les gens ne regrettent pas la pause estivale. Qu'ils disent, ouais, c'est bien. C'est peut-être bien qu'on les écoute. Là, un petit tunnel d'un mois et demi sans les entendre, peut-être une pas si mauvaise idée. Non mais tout est calculé en fait. Je suis Elon Musk en fait. Je rachèterai pas Twitter. T'es Willem. I am José Mourinho. TikTok Pierre. Attention, pas un TikTok boy. J'ai fait des interviews de gens, j'étais pas au courant une minute avant, je découvrais les gens, c'était rigolo. C'était rigolo. Tu critiques l'orga là. Non. Dans le talent management, j'étais au courant des choses souvent un peu en retard, mais je vibe. Bah oui, bah non, mais toi tu vibes. De toute façon, tu peux pas aller au Hellfest sans vibrer. Et ce malgré ton corps de serpent, tu peux. Justement, ils ondulent. Ils ondulent. Ils se faufilent entre les cailloux. Tu t'ondules là comme le filtre TikTok là. Je connais tout. Là, mais c'est incroyable. Je passe ma vie. Mais vu aussi ce filtre quand dramatiquement tu dégueules, seul, l'arc-en-ciel qui sort. Ouais, là. C'est incroyable. Hey, d'ailleurs, je voulais vous dire, faites vraiment beaucoup attention à ces plaques. Oh, Théma, mes chaussures, c'est Nike. Il connaît tous les mêmes. Tous les trends. Il les connaît. Tous les trends. Ah, mais c'est incroyable. Il n'y en a pas une. Il n'y en a pas une qui lui passe sous le radar. Tout passe là, en plein dans la gueule. Putain, hein, est-ce que tu peux nous faire une chanson? Mais tu sais que t'as une chronique, toi, au quotidien, à la rentrée. Toc-toc, c'est TikTok, ouais. Toc-toc, TikTok. Toc-toc, c'est TikTok. Une chanson de TikTok. TikTok Girl, non, c'est ça? Non, les trends du moment. Non, les trends du moment, il y a le truc, mais j'ai oublié le. Non, si, j'en ai vu un. Si, il y a le truc où ça. J'ai oublié la première chanson, mais it's après ça devient. It's about damn time. Ah oui, bien sûr, mais ça c'est old. C'est old. C'est l'ISO. Moi je te parle là du truc où ça devient la musique de. Tu sais, tu vois ce truc? Il est très fort. La main italienne. La la la la la la. Quand je vais au podcast. Old, mon pote. C'est old. Oh non! Je suis old. Old. Oh mais je suis un old. Est-ce que vous connaissez Kate Bush? Oui. Oh là là. Ça j'ai. I only could. My glory was gone. Tu sais que moi je connaissais avant la série. Hein. C'est vrai, je connaissais avant. Hein. Ah c'est sûr. Ah je connaissais hein. Parce que c'est dans Pause la série. C'est vrai. Voilà. Je suis cultivé. Monsieur série. Viens là, je te te prends en fait. Moi c'est l'empereur série. C'est Pierre Lapin. Bah oui, Pierre Lapin, oui. L'empereur série. Rala, non, ouais, bah, j'ai interviewé des gens. Ouais. Et j'étais un peu au regret de ne pas avoir interviewé Oli Sykes, le chanteur de Bring Me the Horizon, mais c'était le week-end où j'étais pas là. Ah merde. Mais j'aurais aimé, mais tant mieux parce que j'aurais été tout intimidé. J'aurais dit, salut Oli. Moi je t'ai trouvé extrêmement. Attends, comment il s'appelle? Oli. Ah d'accord. Et d'ailleurs. Oh. Je suis pas. Il faut savoir que j'ai écouté le Floodcast avec Big Flo et Oli. J'ai envoyé un message à Big Flo, je dis c'était aussi insupportable que drôle, bravo à toi, et que j'allais écouter l'album. Je me rends compte que c'est pas ouf ce que je vais dire. Mais du coup, j'ai écouté, une énorme déception. Non, et du coup, j'ai écouté l'album un peu, il y a des trucs pas mal, et la première chanson, ou je sais plus quoi, j'étais pas là, ou un truc comme ça, il a le même sample qu'une des chansons de Bring Me the Horizon. Ah. Et le chanteur de Bring Me the Horizon s'appelle Oli. Donc je vais faire Big Flo et Oli de Bring Me the Horizon. Oh là là. Peut-être un TikTok. Une sorte de DJ Zebra un petit peu. Exactement. Où on mélangerait un peu les deux chansons. Ou DJ Moule à l'époque. C'était DJ Zebra et DJ Moule. Ah, moi je me souviens de DJ Zebra. DJ Zebra, incroyable. Non, mais voilà, c'était cool le Hellfest. Voilà, je me suis épanoui dans l'entertainment. Putain. Même si y a des problèmes et tout. Mais voilà. T'as pris beaucoup de plaisir. J'ai pas boudé mon plaisir, effectivement. Voilà, bah écoute. Tu as inventé cette question. Non, il était là. Arrête. Oh ouais, bah putain. Ouais, à l'inverse de Big Flo et Oli qui n'étaient pas là, justement. Qui n'étaient pas là. C'est ça, oui, j'étais pas là, la chanson. Ouais. Question pour Flo et Adrien. Si vous aviez. Si vous deviez recommander un ou plusieurs épisodes à quelqu'un qui découvre le Floodcast, ce serait lesquels? Avez-vous des épisodes? J'en suis incapable, moi, personnellement. Voilà. Moi, je dirais le best-of des vacances. Vous avez répondu? Oui, le maxi best-of des vacances de l'an dernier. J'ai déjà vu, mais j'ai l'impression que vous avez déjà répondu à ces questions-là. Ah non, mais attention, là, on est sur le déclin, Pierre, faut savoir. C'est sénile. On se répète énormément. Oui, bah, sénile Dion. Adrien, sénile. Sénile Dion. Je crois qu'on en est à 150 épisodes. 150 épisodes. Et ça fait 7 ans. Et en plus, le public, vu que c'est croissant, c'est il y en a plein qui arrivent et qui n'ont pas écouté les épisodes d'avant. Donc, des fois, effectivement, on se répète un petit peu. S'il y a des petits tips, quoi. Il y a des. Comment? S'il y a des petits tips pour écouter, il y a Louis-Jacques Chirac. Il est pas mal. Non, mais oui. Les plus écoutés, de toute façon, c'est celui avec. Mr V, Frédéric Gladieux, Thomas Gauthier. Il y a celui avec effectivement Laura Felpin. Celui-là, c'est un des plus écoutés. Ah ouais. Celui avec Laura Felpin, Jonathan Cohen et Jérémy Galland. Il y a celui récemment avec Pyjama. Voilà, il y en a plein. Bah avec les stars, quoi. En vrai, avec les stars. En vrai, ils sont bien, c'est avec les stars. C'est vrai. Bon, chers amis. Contrairement à celui-ci. Arrête. Arrête. De toute façon, il y a beaucoup de montage. En fait, vous allez voir, l'expérience est atroce, mais le résultat va être un petit peu. Moi, je suis très confiant, moi. Oh, toujours. Ah ouais, très confiant. Chers amis, est-ce que vous avez des recommandations culturelles? Un truc qu'on fera sauter aussi à la rentrée, parce que c'est chiant en ce moment-là aussi. Non, j'aime bien. On remet tout en question. Non, les recommandations culturelles. Qui eux en plus elles sont là depuis le premier épisode du podcast. Hein, c'était, on le faisait au début d'émission avant. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez apprécié culturellement parlant, est-ce que ce soit du cinéma, de la télévision, de la littérature? C'est pas forcément un truc récent, mais c'est un truc que vous avez découvert vous récemment. Pierre, est-ce qu'il y a quelque chose que tu conseillerais aux gens? Moi je fais un peu de fixette en ce moment sur un groupe français qui s'appelle Astéréotypie. Astérix et Obélix. Astéréotopie. Oh putain, vous m'avez fait Astéréotypie. Non, mais dis Astérix, c'est plus simple. Non, mais vous m'avez gâché mon reco. Astéréotypie. Qui font une tournée en ce moment. Donc c'est un Le tour de Gaulle, j'imagine. Bon, allez. Mais. J'ai tapé Astéréotypie sur Google, on propose. Vous voulez dire Astérix? C'est vrai? Non. Le référencement. On fait c'est pour ça que je les aime. Attends, tu te fous de ma gueule. Leur chanson culte, apparemment, c'est Alphabetix. Mais sérieux, c'est pas du tout Astérix. Alpha, attends, mais elles sont dans l'ordre ou pas? Live à l'Elysée 2018. Elles sont dans l'Astéréotypie. Oui. Oui, mais attends. Une chanson qui s'appelle Alphabetix. Mais elle est dans l'ordre ou pas? En tout cas, son poisson a l'air frais. Mais vraiment. Je vous jure. Bon, Astéréotypie. Les Indiens, les cowboys. Franchement, on t'a pas coupé une seule fois. Non, c'est vrai. Astéréotypie. C'est ça? Bon, allez. C'est ça ou pas? Il y a entre autres, il y a plein de choses. Okay. Calme-toi là, lors la loi là. qui a des pinces là. Des pinces, oui. Qui va mettre des poubelles sur des mini Cooper. Bon, c'était pas un jeu de mots. Un groupe de post-punk français. D'accord. Qui est un groupe avec. Donc tous les chanteurs et chanteuses sont des personnes autistes. D'accord. Ah, j'en ai entendu parler. Et là, je crois qu'il y a un documentaire qui tourne. Ils font des tournées donc, de concerts et aussi pour présenter un film. Ok. Voilà, le dernier, je crois, EP s'appelle Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme. Bon, bah, bien sûr, c'est, oui, allez, c'est bon pour et moi. Et voilà, et donc, du coup, non, c'est cool déjà d'avoir un peu de visibilité de personnes handicapées sur cette scène-là. Le groupe est très bon. Je crois qu'il y a peut-être des anciens de Moriarty ou je sais pas quoi, mais bref, c'est très post-. En tout cas, dans Recherche Associée, il y a écrit Moriarty, Arthur B. Gillette et Christophe. Et en fait, je crois que c'était un atelier médico-éducatif ou je sais pas quoi. Donc, du coup, ils ont rencontré bah, ces personnes en situation de handicap et donc, du coup, ils s'expriment bah, de façon. Bah ça change hein, de changer de prisme un petit peu ça donne enfin c'est très propre musicalement et vraiment il y a un côté de transposer des sentiments d'une autre façon et je trouve que ça me parle sans que ce soit c'est what the fuck ou quoi que ce soit tu vois bah, trop bien et c'est trop bien je vais écouter donc voilà donc du coup je sais pas quand le documentaire va sortir mais voilà je crois qu'ils font une tournée tout cet été. Ils sont passés récemment au FGO Barbara et trucs comme ça. Là, ils font une grosse tournée, donc je vous invite à découvrir ce groupe-là, qui est très chouette. Je peux pas te dire mieux, je vais m'écouter ça dans la caisse. Putain. Sur les routes du sud, là. Avec Jeannot. Avec Jeannot. Septembre 2022, L'énergie positive des dieux. Exactement. Un film de Laetitia Moller. Qui pourrait être un type d'Astérix aussi. Ouais, c'est vrai, ouais, non, bah, c'est l'énergie positive du domaine des dieux. Donc, checker ça, c'est trop bien. Ok, trop bien. Okay. Astéréo Tipeee. Trop bien. Adrien. Alexandre Astier-Rotipi qui a fait Astérix. Je le rappelle une fois de plus, nous sommes chez le coiffeur car tout se recoupe. Ouais, ouais. Ouais, Astier-Rotipi par cœur. Alors. Oui. Non, mais je sais pas. Non, mais bien sûr. Je suis en prison, mec. Non, ouais. Mais arrêtez-moi, en fait. Non, moi, j'en ai parlé tout à l'heure, mais en fait, là, j'ai un peu replongé dans tous ces petits jeux là de gros baiser hein, dont j'ai déjà parlé, à savoir tout ce qui est Wordle, sémantique, pédantique, incroyable. Qui est alors Wordle, bon tout le monde connaît, j'ai pas besoin d'un. C'est Motus. Mais alors je précise quand même qu'il y a un Wordle français pour les gens qui sont alors il y a un truc qui attends. Pas le Flappy, mot, c'est pas parce qu'il y en a plusieurs. Créé par Luan Ben. Flappy Bird, t'as dit. Flappy Bird, non, c'était. Je confonds. Créé par qui, tu dis? Luan Ben, qui a créé l'emoji mashup. Exactement, mais toi, tu connais le web. Mais je connais le web, putain. On te met un biberon avec du web et tu te nourris de ça. Donc, effectivement. D'ailleurs, chez moi, je tape Wordle, le premier résultat, c'est ce site-là. Le mot, il me semble. Très bien référencé, devant le New York Times, du coup. Donc, il y a le Wordle officiel. Sur le site du New York Times, mais il y a aussi le Wordle français sur le site Luan.me, c'est ça, non, je crois son... semble, ouais. Bon, enfin bref, Luan, le chercher. La chanteuse qui fait un peu de code aussi. Exactement. Ok, ouais. Putain, voilà. Ouais, c'est actrice, chanteuse. Mes chers parents, je code. Oh, oui, mais bah, voilà, vraiment dit. Ouais, ah oui. Des zéros et des tiens. Un. Oh, mais là, les flics, ils t'auraient jamais arrêté, tu vois. Parce que ça, c'est bien. Mini poubelle nulle à chier. Ça m'énerve encore. Ouais. Dès que j'y repense, ça me gâche mes vacances un peu. J'ai un casier pour ça, donc grâce à vous, je peux repartir en tôle à tout moment. Donc, Wordle, sémantique, donc j'en avais parlé. Parce qu'en fait, je replonge là-dedans parce que souvent l'été. On fait des petits mots fléchés, on fait des petits sudoku tranquilles et tout. Mais je trouve que ça, c'est les nouveaux. Ça renouvelle un peu le genre des jeux de mots. Et tu partages avec mots, ta famille, du coup. Tu partages avec tes potes. Et en plus, tu peux jouer, par exemple, Pédantix, tu peux jouer à plusieurs en filant le code et tu cherches. Je mets la chair avant les bœufs parce que j'étais sur Sémantix. Donc j'en ai déjà parlé, mais c'est. Il faut trouver un mot et donc on suggère des mots et ça nous dit à quel point il est proche sur le champ sémantique. Et donc on. Propose plein de mots de façon un peu aléatoire et au bout d'un moment on dit ah visiblement ça a l'air d'être plutôt un verbe ou plutôt un verbe d'action et hop on progresse une sorte de petite enquête un j'adore. Peu ah là là alors c'est très chronophage mais c'est les vacances donc on a le temps bien sûr et Pédantix qui est fait par alors les deux sont des adaptations de jeux américains mais la même team c'est Enigmatix hein, je crois qui s'appelle et qui ont fait du coup l'adaptation de Pédantix et là le principe c'est une page Wikipédia au hasard où tous les mots sont masqués et on propose des évidemment. Voilà ouais, tous les mots masqués. Sont masqués ouais. Donc il y a marqué masqué la et recette, illisible du coup ouais. Non et, et du coup il faut proposer des mots et si le mot est dans figure dans la dans le texte de cette page Wikipédia il apparaît il devient visible et il y a une sorte de mini sémantique aussi pour chaque mot masqué. Si on est proche, ça nous l'affiche à des degrés de brillance différents pour dire « Ah, il n'y a pas ce mot-là, mais sur le champ sémantique, on s'en approche un peu. » Du coup, ça permet de chercher un peu. Encore une sorte de mini-enquête sémantique. Là. C'est sous-scellé ou quoi ? Très plaisant. Bah, c'est sous-scellé. Hein. Et puis, il y a Hurdle aussi. Bien sûr. Qui est un blind test. J'adore. Moi, j'adore, mais en fait, moi, le problème, c'est que soit je trouve à la première seconde, soit je connais pas, quoi. Mais t'es un zèbre après. Après, je suis un énorme zèbre. Ouais. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres jeux comme ça ? Bah, c'est déjà. Moi, j'ai pas vu mal. Un truc passer, mais c'est surtout. Fin... Mais j'adore toute cette nouvelle vague-là de jeux un ouais, peu. De... Celui où c'est un film qui est passé en fois 1000, genre. C'est ça. Et du coup, t'as à peine le temps de voir t'as les images. T'as vu ça où ? Et faut deviner. C'est un gars sur Twitter qui. Ah, mais c'est Totoro ! Totoro PhD, ouais, peut-être, pas. Bah, je le shout out, non mais c'est je le connais et il fait plein de jeux comme ça, il fait aussi plein de blind tests différents. J'ai vu un gars, je crois que c'est Mea qui jouait à ce jeu et qui du coup ça se partage automatiquement ou pas d'ailleurs sur Twitter en disant ah j'ai trouvé le film du jour en gros et donc j'ai cliqué, ça m'a fait pfft, et j'ai trouvé la bonne réponse et c'était revenez demain. Mais bon, moi ça m'envoie. C'est frame.io, t'as juste plusieurs frames issus de films. Je sais pas. Et après t'as des trucs où par exemple t'as Uma Thurman into The Wild. Into the Wild qui donc meurt à la fin. Donc elle a la chiasse. Ou Clovis Cornillac. Mais en fait, tu dois trouver le. Oui, bah, c'est les degrés de séparation. Les degrés de séparation. Ça, j'y ai joué, j'adore. Ça, oh, attends, j'adore. C'est quoi ça ? Tu dois de trouver. Les degrés entre deux acteurs. Uma Thurman joue dans, dans le film-là. Le jeu qu'on faisait dans le train. Ah ouais, mais j'adore ce jeu. Dans ce film-là, il y a le casting et après, tu essaies de faire en moins de. Allez, on va s'en faire un jeu après là. Mais moi, j'ai mes petits tricks de film. Oui, mais bien sûr. Non, mais bien sûr, une fois que tu les as, c'est vrai que. Voilà, on connaît les. Les films où il y a des castings fous. Où tu bah, les Marvel peu, déjà. Les Marvel où tu peux mettre du français et de l'américain. Oui, où tu peux, bien sûr. Voilà, les Vincent Cassel, les Jean Reno. Bah, c'est un Roland Garros finalement. C'est un Roland Garros quelque part. C'est un Roland Garros. Oui, il y a le. Comment c'est cross-featuring, il s'appelle dans Rap Jeu. Où ouais. C'est le même principe avec des rappeurs. D'accord. Oui, eh bien, quant à moi, je suis tombé sur la vidéo de Inox Tag. Ah, Inès. Inox Tag, alors je sais plus le titre, mais sur l'île déserte, quoi, en gros. 7 jours sur une île déserte. 7 jours sur une île déserte. Et c'est ce que je disais en début de podcast, c'est. Moi, je connais assez peu le contenu du gars, j'avais vu passer 2-3 trucs où je te pense spécialement. T'as jamais suivi les vlogs des croutons ? Non. Wow. Je te jure, bah non, je suis pas aussi calé qu'Adrien, moi. Je suis complètement... Ah, attention, moi c'est TikTok. Hein. Ouais. Oui, YouTube c'est ringard. Ah, I take the ball, I shoot it, I miss quoi. Enfin, tu vois. Ah ouais. Ouais, moi j'étais encore la génération Charlie beat my finger, tu vois. Bah oui, c'est encore ça, un ouais. peu à l'ancienne. Ouais, bah oui. Non, mais vas-y, dis-moi un truc qui va m'énerver. Oh oui, ça a fonctionné, tu vois. Tu l'as pas celui-là ? Oh putain, oh, il m'a. C'est nouveau, sur ça. Mon propre terrain. Il m'a niqué le match. C'est en anglais, mais j'ai traduit. Un petit pont à Mbappé. Voilà ce que je viens de le voir. Le football, il a changé. Il a changé. Celle-là, je l'avais. Celle-là, je l'ai vu passer. Oh, c'est old un peu ça. Alors attention, old. Comment je l'ai vu passer ? J'ai vu la blague, j'ai googlisé la phrase et j'ai fait ah, c'est ça. Ouais. Comme un vrai ringard. Donc okay. Voilà, Inox Tag, il a fait une vidéo d'1h20 où il doit rester 7 jours. Sur une île déserte tout seul. Et il est tout seul ou il a quelqu'un pour il le. Il est tout seul. Il est tout seul et il y a un bateau dans la mer. À 15 minutes. À 15 minutes s'il y a vraiment une tuile, une merde. Ok. Alors, je vais d'abord mettre des petits points où j'étais genre bon pour commencer, mais après c'est vraiment une vidéo qui m'a plu. Il y a tout un délire écolo où en gros les bords de plage il y a plein de détritus. Tu vois, et il en parle. Ouais, mais ça c'est très pratique quand t'es sur une île déserte. Et il l'utilise. Bah oui. Et en gros il l'utilise. Mais des fois. Mais parce que je suis quelqu'un qui voilà, j'aime pas gober, tu vois, j'ai envie de voir le mal partout. Tu veux dire que la noix de coco. Bah, des fois. Il trouve un iPhone 13 en état de marche. Il trouve deux chaussures différentes et il trouve à un moment surtout une paille pour boire dans une noix de coco. Ça, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Une tortue à éternuer. Non, mais j'ai envie. Excusez-moi. Une tortue cocaïne. Une tortue à éternuer. Pas, mais voilà. Non, mais j'ai envie d'y croire. Mais je me dis mais là t'as une dysenterie toi tout de suite enfin c'est là tu chopes une chiasse terrible à la, bah, à la seconde coco, bah peu... pourquoi la noix de coco c'est top non mais la paille. Une paille dégueulasse qui a traîné dans la mer c'est du plastique t'as ça va une petite herpès quoi même les pompes ouais. Les trucs bon bref non moi c'est juste la deuxième noix de coco genre et même tout, ok c'est truqué non, pas du tout vous m'avez complètement dissuadé de regarder pas du tout non regardez les gens qui font ça pour de vrai c'est le seul truc où à un moment j'ai fait bon. Ce que j'ai adoré dans la vidéo d'Inox Tag, c'est que justement, et c'est en ça où moi je pense que c'est pour de vrai. En ça, quel plaisir. En ça, quel plaisir. Ouais. C'est qu'en fait, il fait vraiment tous les trucs de gars qui n'a jamais fait ça. Et du coup, c'est vraiment. Il y a plein d'idées que tu pourrais avoir. Enfin, pas toi, parce que toi, t'es un expert de la survie. Mais moi qui ai jamais rien foutu, enfin, tu vois, qui a pas de couteau ou de conneries comme ça, il fait un peu tous les trucs où je fais. Enfin, bah, tu vois, typiquement, un exemple, à un moment il se prend des averses 2-3 jours dans la gueule et donc il meurt de froid la nuit et tout. Il dit bon les gars là ça me casse les couilles, donc en fait je vais planquer mes fringues et je vais me foutre à poil dehors et me prendre l'averse, et comme ça au moins après je me sèche quoi. Et c'est vrai que c'est un truc de... Moi ça me paraît effectivement un truc que je pourrais faire logique quoi. Ouais, c'est de la survie. Ça me paraît pas mais bah, c'est une mauvaise idée ça. Non, c'est justement c'est bien mais ah. Je l'ai jamais vraiment vu dans un truc de survie, tu vois. Moi je connais rien, il y a souvent les mecs qui te disent non, je vais me mettre comme ça, c'est comme ça je vais me protéger et puis là je vais crever. Bear Grylls il s'est déjà mis à poil. Ah ouais. Oui, mais ouais. Bear Grylls c'est fake man. Ouais. Mais on l'aime gros, pas. Moi c'est Survivor Man le goat pour le moi. Le lendemain, ah oui. Il dit bon, le feu c'est vraiment long à mettre en place, je galère. J'arrête. Je mange plus. Et il dit je mange plus. Il dit bon les gars, j'ai passé une heure à chasser un pauvre crabe de merde, c'est pas très bon. En fait, je vais pas manger. Tu vois, il a que des trucs. Putain. Et ouais. En vrai, mais j'aime bien. En fait, il y a un truc de bah ouais. Bah, c'est ça. Là, c'est un branlou dans la jungle quoi. Un branlou. Un branlou et c'est un Pokémon d'ailleurs. Branlou. Oui, bah oui. Pas le plus fort. Attaque de sperme. Bien sûr, évidemment. Jet sperme. Faiblesse. Jet sperme. Et voilà, et donc j'ai trouvé la vidéo cool. Et alors, bon, tu parlais d'autiste, alors c'est pas exactement la même chose, mais j'aime que ce soit un autre prisme d'un petit gamin qui est pas de ma génération, qui utilise des fois des expressions que je comprends pas parce que c'est carré. Je suis un vieux. C'est voilà. Carré. C'est carré. Mais non, mais voilà, et j'ai trouvé ça trop cool quoi, de voir ce petit gars tenter des trucs, même quand il fait des trucs très, tu vois, où il parle de sa place dans la planète et de l'écologie et de on est trop sur les téléphones, tout ça, mais c'est par le prisme d'un petit gars. Oui, venant de lui, et puis surtout à qui il s'adresse, c'est cool. C'est ça. C'est ça qui est bien. Et c'est assez surtout cool. Que... Et même en vrai, il a un truc marrant de. Eh, en vrai, j'avoue, ça me manque trop de checker Instagram là. Mais tu sais, en fait, c'est-à-dire que le gars ne mange plus. Mais il dit, putain, là, les gars, franchement, un petit Insta là, ça ferait quand même du bien. Et je trouve ça super honnête. Et j'ai trouvé ça vraiment super cool. Quoi. Ça donne dommage que image. Ce soit truqué du coup, a priori. Non. Mais non, mais voilà. Mais j'ai, non, la vidéo est très cool. Et gros chapeau à lui et ses équipes et son monteur parce que ça dure 1h20 et ouais. Je trouve que ça passe vraiment méga vite. Vraiment. Et il est marrant comme gars quoi. Enfin, là, tu vois, le fait d'être tout seul, il a quand même des phases vraiment marrantes. Tu vois, à un moment, il fait. Il compte les jours quoi. Il dit bon, bah voilà, bilan de l'expérience. Bon, là, c'est le premier jour, j'étais chaud, j'ai essayé de faire une cabane, de chasser chien. Ça, bon, j'étais déprimé, rien n'a marché. Et après, il fait là, j'ai rien foutu. Ouais, j'ai vu, ça, là, je l'ai vu sur TikTok. Ah ouais, bien sûr. Et juste, il dit j'ai rien foutu. En fait, il dit là, la journée, elle est pas terminée, mais je vais rien foutre. Ouais, c'est ça, exactement. Ah, TikTok, mais attends, tu. Ça m'est tu. À qui tu ça parles en fait. Ça permet de gâcher plein de trucs longs, c'est trop bien. Ouais, quoi. Grave. Non, mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé que c'était une vidéo vraiment cool et ça m'a plu. Voilà, ça m'a beaucoup plu. Je sais pas si j'aimerais tout ce que fait ce non, garçon. Non, mais surtout que bah voilà, il y a eu des petits erreurs de parcours. Ouais, c'est vrai qu'il y a un entourage qui a. Il a quel âge, Inox Tag? C'est un bébé. Oui, c'est ça. Il est tout jeune, quand même. Ans, un truc comme il a 7 mois et demi. C'est vous dire. C'est fou qu'il ait survécu 7 millions d'abonnés sur YouTube. Il a survécu 7 jours alors qu'il a 6 mois et demi. Non, mais voilà, j'ai trouvé cette vidéo vraiment cool. C'est un bougre. Cette vidéo vraiment cool et j'ai trouvé la vidéo très bien faite. Et c'était un goal du The Event. Exactement. Je me suis dit putain, il s'est motivé quand même. Le The Event qui veut brûler la planète entière. Je vous le rappelle, oui. J'ai vu une vidéo de Zerator qui dit les koalas, non, je les baise. Qui non seulement wow. Égorge un ours polaire, mais en gardant ses lunettes de soleil. Bien sûr, vertes. C'était quand même assez énervant. Ouais. Enlève tes putains de lunettes, Zerator. C'est vrai. Donc voilà, bah, écoutez, j'ai juste une question vas-y. À Adrien. Wow. Si par exemple tu te retrouves téléporté sur une île déserte d'un coup. Est-ce qu'il y a une chanson qui te vient en tête ou pas? Oh merde. Ah non, attends. Genre t'arrives et t'es dans une situation et là t'es genre oh. Ah tu voudrais dire que ça ferait genre oh no. Ah c'est oh, ça no. Ah, putain. Ah oui. Oh ah. No. Non mais ça c'est hall pour mais moi. Mais je le sentais. Non mais les gars, moi je cherchais dans les dossiers récents là. Ouais, tu je me sentais que c'était old. Old. Ouais. Oh, je suis désolé. Oh, attends mec. Adrictoc. Je rigole. Adrictoc. C'est old. Adrictoc. Petite figurine parlante qu'on pourrait peut-être commercialiser dans un merch. C'est old. C'est old. C'est old ça. Bah excuse-moi, essaye de trouver plus frais. Bah le truc où il tape là, ça fait. Puis il y a la transition, puis il tape sur la porte de l'autre côté là. T'as pas vu ça? Y'a rien de plus horrible qu'une description. Ouais. Bah après, pour le coup, cette traîne est nulle à chier. Vraiment nulle. Donne-moi une situation, je te dis la musique, c'est tout. Quoi. C'est la fin de ce Floodcast. Nous vous souhaitons de très bonnes vacances. Merci! Merci! Parce que c'est vrai, on ne va pas s'éterniser, mais quand même une année un peu folle pour le Floodcast. Déjà, on n'a jamais fait autant de promos de notre vie avec Adrien. C'est vrai. Ça, c'est très bizarre, des interviews, des trucs, des machins. Enfin, Combini? On a eu Combini plusieurs fois, dis-toi. Ouais. On a même eu du partenariat Combini. Non, on a fait à Mouloud, à Chaux, on a fait plein de trucs. Donc c'était une année assez rigolote. Et puis là, la tournée, là, on est vraiment à fond dedans avec Adrien. Franchement, ouais. On a préparé plein de trucs. On a tous nos invités. Voilà, ça, tout est fait. On a tout. On leak rien. Mais ce sera pépite. On espère que ce sera pépite. Et en vrai, je ne sais pas quand est-ce qu'on revient vraiment. Parce qu'il faut qu'on se pose des questions. On va voir. Parce que si on revient avec les lives, c'est un peu déceptif, quoi, parce que moi je sais très bien que c'est pas les épisodes qu'on écoute le plus facilement. Non, mais il faudrait un petit mélange, tu vois, de temps en temps, des enregistrés, des fois. Ça fait le café. Ah, moi je trouve qu'une rentrée où il y aurait que des en public, je serais un peu déçu en tant qu'auditeur perso. Bah, je sais pas, moi. Moi je pense qu'il faut un petit mélange. Voilà, moi je pense qu'il y a un petit mélange à trouver. Ouais, mais. Mais peut-être qu'on rentrera plus tard, peut-être qu'on reviendra en octobre. Après, on va faire cette date, on va pas forcément pouvoir faire des mélanges. Hein. C'est que moi je trouvais ça cool de potentiellement. Reprendre peut-être un peu plus tard, genre début octobre, tu vois. Et dès qu'il y a une semaine où justement on est fatigué, où on n'a pas le temps, machin, on peut mettre un petit live qui est déjà prêt pour faire plaisir aux gens. Écoute, ouais, faut voir. Oh la vache. Je suis fatigué, je baille. Il baille le man. Bon, en tout cas, voilà, on va revenir. On sait pas trop comment, on sait pas trop quoi, mais ça a été une très grosse partie de plaisir cette année. C'était trop cool. Moi, c'est mon année préférée du Floodcast. Franchement, je trouve autant de gens nouveaux qui sont venus que d'habitués, on a bien rigolé, on a puis la thune qu'on s'est fait, la thune qu'on s'est fait, c'est dingue. On a enfin voilà, donc non, c'est équivalent de deux events, je crois, c'est à peu près mais, premier, mais donc, tout pour nous. Oui, on regarde tout pour nous. Et Good Planet, enfin on donne une partie à Good Planet et tout ce qui est biodynamie. Voilà, c'est ça, voilà. Okay. Pierre Lapin, où est-ce qu'on peut te retrouver? Vacances, toi aussi, pour toi là? Petite vague la Bretagne. Si vous avez des smarts, des Mini Cooper, attention à Pierre. Attention, il va faire un jeu de mots. Non, mais oui, sur Twitch, je peux revenir, mais je prends un peu des vacances là. Oh, bah, t'as bien raison. J'ai pas envie de répondre aux sirènes de Twitch qui disent mais viens, on va t'oublier. L'algo, t'oublier, t'es qu'une merde, tu stream pas assez. Ouais. J'ai pas envie de. Oh la vache. Tu vis pour ça. Ouais. Non, j'ai pas envie de tweeter tous les deux jours. Ah, excusez-moi, pas de live aujourd'hui. Non. Là, je chill. Moi, t'es chill. Je vibe. Ah, bah oui, t'as un peut-être à la rentrée 300 000 vues, je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas encore, peut-être. Voilà, après, j'ai des projets lourds secrets. Très bien. Et bien, quant à nous, avec Adrien, la tournée évidemment à la rentrée, ça arrive. Lourd, en tout cas, streamer fort. On va tous streamer, les podcasts. Faudra streamer ça. Non, 9 voilà. septembre, Bordeaux, allez, bam. Bam. J'adore Bordeaux cette ville. Avec des invités. Ça va être super. Franchement, ça y est, on a atteint avec Adrien le moment où y a de la hâte, quoi. Ça y est, on a commencé à mettre bien les mains dedans. Ouais. Là, je suis trop. C'est ça aussi de finir la saison, ça fait un peu du bien de se dire ok, c'est fini ça. Maintenant. La hype. Les lives. L'Olympia, toutes les villes, Lyon. Nantes, rencontrer Rennes, votre public. Ouais, écoute, ça va être rigolo. J'ai hâte de voir. En fait, je suis plus curieux de voir comment ça va se passer et tout. J'ai bien hâte. Voilà. Tout et les TikTok où il y a une expression en anglais et après ils disent en français mais avec un gros menton. Tu l'as cherché ou non, je, je suis retombé dessus et du coup je le partage. Voilà. Bon, merci tout le monde. Très bonnes vacances. Petit best-of normalement au mois d'août. Peut-être la flemme qui sera là, mais normalement... La flemme, allez, stop. Ciao. Salut. Il s'agissait du Floodcast. Pardon.